How do I ever say to you, thank you? Hey, mais oui, de la grande musique. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, numéro 29. On est content. C'est assez génial, numéro 29. On écoutait à l'instant Strange Radio qui nous interprétait So High. Et donc, je suis Sartman, spécialiste Sartois de Buffy contre les vampires. Salut, salut. Je suis accompagné de Clément. Oui, salut. De Riley. Salut. Et de notre invité, Ariane. Comment salut. Ça va? Ça va, merci. Ça va bien? Ouais, merci. T'es bien, t'es à l'aise? Ça va. Le micro était très bien, te convient? Parfait. Ariane, tu es là parce que tu as eu l'excellente idée de faire un travail de mémoire de sociologie sur, entre autres, sur Buffy et surtout sur les fans de Buffy. Oui, donc en fait le mémoire se divise en deux parties, donc il y avait une partie spéciale sur Buffy, sur les normes de genre et les relations entre les hommes et les femmes, le féminin, le masculin, etc. Et le reste du mémoire, ça portait justement sur les fans de Fantastique et plus spécialement les fans de Buffy. Ça va être super génial, oui. Tu vas nous raconter tout ça après l'épisode, on va parler de ce mémoire qu'on a tous lu et qu'on a trouvé très très intéressant. Donc on en parlera après l'épisode. Mais de quoi d'autre allons-nous parler, Riley? Tout de suite un sommaire. Putain, je me sens d'humeur très présentateur jingle, télé. Ouais, il y avait jingle sommaire, ça sentait tout le sommaire. On avait envie d'entendre un jingle. Tout de suite le sommaire. Alors, ce soir, on va parler de l'épisode 1 de la saison 7. Et c'est la météo bien. Tout de suite avec Clément. S'il vous plaît. Épisode 1 de la saison 7. Ah bon Listen. Très bien. Rédemption. Ok. Vous l'avez tous eu. Ah. Bah oui. Déjà il y a un malaise. Okay. De la transmission. Direct. La transmission. Direct, là, ouais. Le thème de cette saison 7, oui. Du pouvoir, du retour aux années lycée, de mise en scène, de musique, hein, la musique de cet épisode qui est plutôt cool. De Giles qui fait du cheval et du tournage en Angleterre. Et on va aussi, bon, la rubrique de l'invité avec Ariane tout à l'heure, et on finira avec les systèmes Buffy, comme d'hab. Gros bisous, sondage, génial. Tout ça. Mais les systèmes tout Buffy, on m'a dit qu'on allait parler de livres, de web-séries, ça va être passionnant apparemment. Tout à fait. On a lu des livres cette semaine, c'est quand même cool. Enfin, moi, je me suis cantonné à regarder une web-série. Pas trop déconner quand même. Rappel du principe du podcast, on fait des commentaires audio d'un épisode de Buffy pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste valeur. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict et plein d'autres sites comme Dailymotion. Maintenant, la vidéo, c'est sur Dailymotion, hein, n'oubliez pas. Enfin, sauf le live qu'on fait sur YouTube le soir. Mais les vidéos montées sont sur le YouTube. Sur Daily, parce qu'on aime bien la France. Vive la France. Et vous pouvez bien sûr retrouver tous les liens pour nous écouter sur pourquoibuffycestgenial.wordpress.com. Et en plus, parce qu'on est partout sur les internets, vous pouvez nous retrouver en passant par les sites Slayer Revival, Buffy Angel Show et Cinéma Radio. Alors, je me munis. On dit bonjour au chat aussi, on l'aura pas dit. Disons carrément bonjour au chat et merci, on vous remercie jamais assez le chat d'être là. Salut tout le monde. Parce que c'est respect quand même de venir un vendredi soir. Un vendredi soir nous écouter. Alors que c'est la finale de Danse avec les Stars. Alors que c'est la finale de Danse. Ça merde alors. Ça, c'est pas le samedi Danse avec les Stars. Mais là c'est spécial, là, c'est le vendredi. D'accord, ok. Parce que je crois qu'il y a des primaires à la télé. Il y a même un Angers-Nantes ce soir. Il y a une grosse actu télévisuelle. Sarkat, il bouffe la pizza. Donc ah oui, non, c'est un shortcut. Ouais. Donc, ça y est, on a assez meublé pour que je trouve le jingle. Gros bisous. On est des professionnels. Attention, les gros bisous. Timmy's down the bloody well. And if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. See her and raise you a She bathed you? Nothing can defeat the penis! Donc alors, exceptionnellement, pas de nouveaux commentaires iTunes depuis la dernière fois. Merde. C'est scandaleux depuis l'excellent commentaire de Bounouf. Vous vous rappelez de ce commentaire de Bounouf Oui, bien sûr. Qui mettait un commentaire parce que sa femme l'avait forcé. Obligé à le faire, c'était très drôle. Mais alors, vous faites quoi les internautes, là, les fans de Buffy? On n'a pas de nouveaux commentaires, c'est un scandale. Donc pas de gros bisous iTunes, mais par contre d'autres gros bisous. Riley, tu avais des gros bisous toi? Gros bisous à James de Comics Discovery et d'Amical Dugui qui fait une émission sur les comics à la radio Radio Campus Montpellier, c'est très cool. Tout à fait. Et ils nous ont mis un lien sur leur site vers Pourquoi Buffy c'est génial, donc ça fait plaisir. Merci. Ils étaient venus dans notre podcast aussi. Mm. Et on avait aussi des gros bisous, ah oui, alors ça c'est très important, aux personnes qui étaient sur le chat Facebook improvisé vendredi dernier. Souvenez-vous les gars, on a joué au jeu vidéo, on a fait Chaos Bleed, le jeu Buffy. Excellent jeu. Hein. Non, c'est fou, c'est un mauvais. Et donc on fait des gros bisous à Vincent, Faye, Lindeline, Goten, Estelle, Xavier qui nous ont conseillé pendant qu'on était en train de jouer au jeu. C'était... Ils nous ont aidés, on peut le dire. Hein. Ils nous ont sauvé la mise. L'horreur. Et on fait un gros bisou spécial à Jordan qui nous a insulté pendant une heure. Enfin, c'était vraiment très cool. Et donc gros bisous Jordan. Moi aussi des gros bisous 2.0 hein, parce que je fais un gros bisou à tous nos abonnés Twitter. Vous savez qu'on a franchi le cap des 1000 abonnés sur Twitter. Incroyable. Du coup, champagne. C'est la folie. Du coup, je crois qu'il y aura du champagne prévu grâce à Ariane, prévu tout à l'heure, après l'épisode. Avant, il faut bosser. Et après l'épisode, bien sûr, on fera péter le champagne. Et par contre, sur Facebook, on n'est pas encore à 1000. Donc, pareil, au boulot. Au boulot, les internautes, les fans. Il faut mettre des pouces. Il faut mettre des pouces sur la page Facebook. Partagez à vos copains qui connaissent tout pas. Tout à fait. Ariane, tu as fait des gros bisous. Oui. Donc évidemment, je voulais remercier et faire des gros bisous à toutes les personnes qui m'ont aidé pour le mémoire, qui ont participé aux entretiens et forcément toutes les personnes qui m'ont supporté pendant un an. Ça n'a pas dû être facile pour eux, donc je leur fais plein de gros bisous. Et puis Ariane, on le dit pas tout de suite peut-être, mais Ariane nous a amené des cadeaux. Ah oui, bah si, faut le dire. On va le répéter toutes les 5 minutes, je crois. Sachez-le, hein, les futurs invités, vous avez le droit de venir avec des cadeaux, c'est autorisé. Hein. Plus personne ne va venir. Ah oui, c'est ça. Ça peut être l'effet inverse. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Ouh là là, rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Alors, Riley? Pas du tout, il n'y avait pas un sondage, mais il y avait deux sondages. Deux sondages, j'ai connu. On avait enregistré un peu trop vite l'autre épisode. Donc, premier sondage, souvenez-vous, c'était il y a très longtemps, c'était le podcast numéro 27. Donc là, si par exemple, on n'aime pas les sondages, on peut se barrer pendant, on a combien, 10 minutes, un quart d'heure? Là, on a un bon quart d'heure de sondage. Voilà. Un quart d'heure de sondage. Donc le 27 avec nos amis Sartois, et on vous a demandé quel était votre final de la série préférée, parce qu'il y avait des fans de The Gift et de Chosen, hein, saison 5, saison 7. Tout à fait. Incroyable, on a eu plein de votes sur le site, sur Facebook et sur Twitter. Ça a cartonné, le sondage, c'est la première fois que ça cartonne. Et je pensais que ça allait être justement Chosen qui a été choisi largement, mais pas du tout, c'était hyper serré. 51% pour Chosen et 49% pour The Gift. Il y a eu plein d'arguments, je ne sais pas lequel vous préférez. Vous auriez voulu que la saison s'arrête à l'époque. Non. Chosen pour moi. Chosen, ouais, aussi. Ouais. Ariane, tu te rappelles? Moi aussi. Bah oui, voilà. J'avais voté d'ailleurs pour Chosen. Et justement, je voulais reprendre, il y a un argument qui a été mis par Faye sur le site qui dit, donc en parlant de Chosen, le dernier plan sur Buffy qui sourit est magnifique et quelque part ça fait plaisir de se dire qu'après tout ça, Buffy va s'en sortir. C'est rempli d'espoir et quand on a grandi avec ce personnage, on se dit que même si Buffy ne sera plus à nos côtés, tout ira bien parce qu'elle est devenue qu'on est devenu fort. Hein. Le spectateur est une potentielle au final. Il y avait un deuxième sondage, souvenez-vous, hein, c'était le podcast 28. Et alors voilà, là on parlait du podcast en lui-même et on demandait quel était l'épisode que vous attendiez le plus pour les commentaires audio. Tout à fait. Ah oui. Oui. Ça m'intéresse. Quel épisode a remporté la mise? Le The Body. Très bien. Avec le décès de la maman de Buffy, un épisode très très drôle, une comédie. Et du coup, ouais, c'était aussi très serré. Il y a eu plein de votes. Ça se joue entre Once More With Feeling et Hush et Chosen, qui était que juste à 18%. Mais c'est vrai que donc faisons The Body. Ça veut dire qu'il faut préparer là bientôt. Ça tombe parce que c'est celui qui est pas du tout près de tous ceux qui ont décidé. Et puis là, c'est un épisode, il y a plein de trucs à dire. En plus, c'est pas un épisode de Buffy comme les autres. C'est sûr qu'il y a un milliard de choses à dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essayait de se le garder pour plus tard. Hein. Il y a tellement. Bah oui, mais il faudra y passer. Mais certains... un de ces quatre, il faudra le faire, bien sûr. Bah, pour donc, le on est bon en sondage, on a terminé. On a fini, c'est très long sondage. Du coup, ouais. Tout de suite, l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Donc, on va parler de, aujourd'hui de l'épisode Lessons, Rédemption en VF, l'épisode 1 de la saison 7. Alors, épisode qu'on aurait pu traduire, hein, Lessons, en français, par devoir, par exemple. Et on a même pu en faire, bah, c'est les leçons, les devoirs. On a même pu faire un jeu de mots incroyable sur les devoirs, le double sens du mot devoir en français, hein. Mais non, c'est Rédemption. Non, Rédemption qui a été choisie. Calvaire, moi je le rappelle. Voilà. Ou alors Camionnette. Camionnette, c'était très bien aussi, je pense. Chaussette. Donc c'est un épisode écrit par Joss Whedon, mais réalisé par David Solomon. Voilà. David Solomon, réalisateur spécialiste. Hein, David Solomon. On en parle à chaque fois aussi. C'est comme James Spacen. C'est un des mecs de l'écurie de Joss Whedon. Il a réalisé plus de 20 épisodes de Buffy, de Angel, de Dollhouse. Donc l'écurie, rien à voir avec les chevaux, hein, je précise. Oui, ouais, c'est une expression en fait. C'est-à-dire que c'est un des poulains. Je tente, Joss Whedon. Il faut tenter. Et, d'ailleurs, poulain, c'est lui qui a réalisé Afterlife, dont on a parlé justement au podcast numéro 27, il n'y a pas si longtemps. Mais là, en plus, il se déchire sur cet épisode, on va en parler, mais il est incroyable. Alors, il avait fait Birbal, souvenez-vous, avec les hommes préhistoriques. Le meilleur épisode, voilà. On s'en souvient. Lessons a été diffusé pour la première fois le 24 septembre 2002. Ça aura son importance dans les commentaires. 2002, c'est vieux. Essayez de vous rappeler 2002. Comment 2002, voilà, disons. Par exemple, parce qu'on avait des téléphones, des choses comme ça. Je sais pas. Bref, qui fait le pitch? Est-ce que, Ariane, est-ce que tu as préparé un pitch? Oui. Alors, donc, pour ce début de nouvelle saison. Vas-y, en vrai. Parce qu'il ne s'y attendait pas. C'était génial. D'accord. Non, c'est génial. Vas-y, Ariane. Bien joué, Ariane. Bah, dans le conducteur, je ne savais pas qui se préparait. T'es juste l'invité parfaite. Okay. Vas-y. Donc, alors, on assiste à la réouverture du lycée de Sunnydale. Les personnages ont beaucoup évolué. Maintenant, on les retrouve en tant qu'adultes. Et c'est Dawn, la petite sœur de Buffy, qui va faire sa rentrée. Et donc, il y a Buffy et Xander qui vont s'assurer que le lycée soit clean, qu'il n'y ait plus d'activité paranormale, etc., pour la protéger. Mais comme d'habitude, ça ne va pas se passer comme prévu. Et il y aura plein de péripéties, etc. Merci. Excellent pitch. Beaucoup. Excellent pitch. T'as oublié juste un petit truc. Oui. Il y a carrément mauvaise. T'as ça, oublié une information essentielle. Giles fait du cheval dans cet épisode. Oui. On voit Giles faire du cheval et ça, il faut le dire en pitch. C'est bien, continue. En fait, pour faire un pitch, il faut prendre vraiment les moments clés de l'épisode et les raconter. Alors, vous n'aviez jamais entendu Riley aigri. Hein, voilà, maintenant vous l'avez. Tu vas faire des tutos pour faire un pitch. Non, on a mis invité cadeau, elle prépare des trucs et tout. Les tutos. On a eu des cadeaux. On va le rappeler assez régulièrement. Hein, les invités qui vont venir les prochaines fois. Hein. Elle a mis la barre très haut. Et là, on aimerait bien avoir un casque de réalité virtuelle. Est-ce que ça vous dit qu'on lance l'épisode? Vous êtes prêts? Oui. Tout le monde est prêt? Vas-y. Chez vous êtes prêts? Vous êtes munis de votre télécommande, de votre souris? Sur le chat, ils sont prêts. Sur le chat, ils sont super prêts. Attention. Il va dire taupe. 3, 2, 1. Taupe. Je lance immédiatement l'épisode. C'est parti. Et si tout se passe bien, on va commencer. Voilà, par un previously. C'est le previously. Ah putain. Donc voilà. Lors de Tara, direct. On commence par du très lourd, des gens qui meurent et tout. En gros, ça résume tout le final de la saison précédente. Et on se rend compte que l'année dernière, tout le monde a un peu fait n'importe quoi. Et tout le monde doit se racheter. Hein. Buffy doit apprendre à s'occuper de sa sœur. Spike s'est trouvé une âme hein, pour ne plus être un méchant vampire et violeur. Et Willow, elle se fait une petite désintox de saison magie. Saison 6, c'était pas très drôle. Hein. C'était pas la saison la plus marrante. Et on commence donc après ce previously à Istanbul. Hein, c'est intéressant. C'est la nouvelle saison, se passe à Istanbul. Voilà, une jeune femme qui court apeurée à travers des ruelles sombres. Tiens, c'est étrange, c'est un cliché de la série. Un endroit lugubre. C'est très lugubre, mais c'est un cliché que la série a combattu hein, pendant toutes ces années. Normalement, la jeune femme ne doit pas courir et avoir peur. Elle doit se retourner et cogner le vampire ou alors se faire secourir par une tueuse. Oui. Généralement, c'est ça. Sauf que là, ben non, la pauvre jeune femme, ça va mal finir pour elle. On est à l'opposé de Buffy. Son agresseur va finir par l'attraper, s'allonger sur elle, sortir son gros poignard. C'est très, très vilain ce qui va se passer. Ce poignard, elle va mourir. Mais non, ils ont pas tourné à Istanbul, Sarpan. Hein. Alors non. Ils sont pas quand même jusqu'à. Et là, je me rends compte que. Mais là, ça se voit. Que mon conducteur a été très mal imprimé, donc je vais devoir faire beaucoup de choses de mémoire. Bref. C'est on apprend dans les commentaires audio que ça a été tourné, cette partie d'Istanbul a été tournée dans les studios d'Universal. Mais oui, bien sûr, ça se voit. Et, c'est aussi, donc, que cette jeune femme va mourir, donc, à Istanbul. C'est aussi un moyen de lancer la thématique, hein, de la saison, qui va être une saison sur le pouvoir et la transmission surtout de ce pouvoir. Buffy ne peut pas être dans le monde entier à sauver toutes les jeunes femmes qui sont agressées ou violentées à chaque minute, et c'est ce qu'elle va devoir faire, non pas s'occuper que de Sunnydale, elle va devoir s'occuper du monde entier dans cette saison, et elle commence gentiment par s'occuper de sa petite sœur puisqu'on arrive dans le cimetière à Sunnydale avec le lancer de pieux, hein, comme un passage de relais. Mais carrément, c'est de l'athlétisme, on assiste à un relais, le pieux est un témoin, et elle passe le relais à sa petite sœur comme elle le passera plus tard à toutes les potentielles. Et donc ouais, il était important qu'on commence aussi dans un cimetière de nuit, parce que depuis When She Was Bad, l'ouverture de la saison 2 de Buffy, tous les épisodes de Buffy commencent dans un cimetière la nuit. C'est la marque de fabrique. Toutes les saisons, pardon. C'est un peu, c'est très important. Donc là, on voit le vampire galérer à sortir de sa tombe, c'est très bien. Il fait des blagues et tout. Mais oui, et très comique. Et aussi, on a vu et Buffy a commencé la première réplique, parce que la scène à Istanbul était muette. La première réplique de Buffy, et donc de cet épisode et de cette saison, c'est It's about power. Il va être question de pouvoir, donc, dans cet épisode. Et la réplique est d'autant plus mise en exergue que ça sera aussi la dernière réplique de l'épisode, prononcée cette fois par la Force, mais toujours sous les traits de Buffy. Ouais. De Buffy. Très important. Dans cette scène, la musique est très cool. Hein. C'est dommage qu'on l'entende pas dans le podcast, mais chez vous, si on l'entend. Là. Oui, enfin, pas en direct. Ah, ils l'ont pas. Ah, ouais. En direct, ils l'ont pas. Mais non, c'est un nouveau compositeur sur la saison 7 qui s'appelle Robert Duncan, et il fait un super boulot sur cet épisode. Tout à fait, c'est de la musique très très hippie, épique et épique, ouais, et puis c'est pas très hippie, non, dans une thématique cheval. Et ouais, c'est différent des autres saisons et tout ça. Et surtout beaucoup plus présente. Il y a beaucoup de musique dans cet épisode sur beaucoup plus de scènes. Et là, vous avez vu le plan, on a assisté à un plan vide où Buffy n'était plus là. C'est ça aussi apprendre à quelqu'un, c'est aussi lui apprendre à être seul. Le plan dans lequel Buffy était juste avant, pendant la bagarre, on ne voit plus Buffy, et même ça étonne Dawn que Buffy ait disparu, parce qu'elle doit elle doit laisser Dawn seule pour apprendre, enfin jusqu'à un certain point, quand Dawn appelle sa sœur tueuse à l'aide, Buffy vient à la rescousse et décapite le vilain vampire. Mais c'est vrai que ce plan était très très cool. Ouais. Buffy a disparu, oh, c'est incroyable. J'aurais même dû mettre pause pour savoir qui avait écrit sur la tombe qui était bien visible. Bref, un petit mot sur la lumière, très décevante pour une scène de cimetière. Ah bon ? Je ne vais pas faire mon relou, hein, mais je trouvais que la lumière était... Pourtant, c'est une scène qui a été tournée en intérieur. Justement, généralement, quand on tourne en intérieur, c'est pouvoir mieux contrôler la lumière. C'est dommage. Tu es déçu par cette lumière, Clément ? Bon, ouais. Oui, je viens de le dire. Mais sinon, je trouve que la lumière n'est pas très très bien. Ah, ouais. Très bien. Et sinon, la lumière, vous en pensez quoi ? Moi, je la trouve pas super. Il y avait une petite vanne méta de Dawn aussi, c'était au début de la scène, mais elle disait pourquoi, peut-être que lui, ce vampire-là qui va sortir, il sait pas faire des arts martiaux. C'est vrai que tous les vampires font des arts martiaux, c'est un peu bizarre. Enfin, bizarre, même si c'était étudiant, ils font des arts martiaux. C'est dans le bagage vampire. Ouais, et du coup, c'est ça, et on en parle souvent, mais ouais, la série a la conscience d'elle-même, donc en même temps des clichés qu'elle véhicule. Et les personnages le disent. Et donc, la scène terrifiante avec un énorme ciseau. Des énormes ciseaux qui. Une paire d'énormes ciseaux. Qui coupe un ruban rouge sanglant. Ah, on a très très peur. Et oui, le lycée, c'est l'inauguration du nouveau lycée de Sunnydale sur une musique très flippante. Donc là, c'est sûr qu'un spectateur qui débarque à l'instant, il va peut-être pas comprendre quoi. C'est dangereux, un lycée, mais le fan de Buffy l'aura très très bien compris. Sunnydale. Oui, tu disais, c'est des méchants épisodes. Voilà, le lycée de Sunnydale, un lieu de tous les dangers, qui a essayé de tuer plusieurs fois Buffy et ses amis, et qui renaît de ses cendres. Et donc, on s'en doute qu'il va de nouveau essayer de tuer les jeunes adolescents de Sunnydale. Et ce qui va être expliqué. Et oui. Le lycée apparaît dans cet épisode comme le méchant à combattre de l'épisode. Donc là, générique. On a générique. Des choses à dire sur le générique. Ouais, le plan Whedon me déçoit également. Très, très déçu. Mauvaise soirée, toi, t'aurais pas vu Frank Whedon Il est un peu chafouin. Ah, Jai fait direct. Du cheval. Jai fait très bien du cheval. Il est très digne, regarde. Et c'est tourné chez lui, le gars, c'est chez lui. Et oui, c'est voilà, ça, regarde, il se sent plus. Alors, voit, sauf le plan cheval, c'était dans un endroit qui n'était pas chez lui, dans un endroit où il y a des chevaux. Dans sa grande propriété de 2 milliards de. Mais tous les autres plans donc, de cette partie anglaise de l'épisode sont tournés chez Anthony Head, donc le comédien qui interprète Jace. Donc, alors, ça ne se passe pas à Westbury, comme on le sous-entend, ce s'est même inscrit à l'écran, mais ça se passe quand même dans le sud de l'Angleterre. Puisque Anthony Head habite dans le Somerset près de Bath, que tout le monde connaît. Et le cheval, figurez-vous que le cheval que chevauchait Jace s'appelle Otto. Ah, c'est important de le préciser. C'est son cheval perso. Et c'est son cheval personnel. Il a genre imposé à Joss de mettre une scène de cheval. Et mais... également, il aime pas trop l'avoine, hein, on m'a dit. Voilà. Et c'est important. Et voilà. Et non, mais il faut savoir qu'en Angleterre, tout le monde se déplace en cheval. Hein. Ils ont pas encore le wifi, tout ça. C'est ça. Donc c'est son cheval personnel. Donc on sent qu'il joue à domicile. Hein. Il est à fond dans le personnage. Il en fait des caisses. Il en fait un peu des caisses. Mais on a vu meilleur Jace. Bon. Mais le plus il est bien en Angleterre. Mais le plus important, c'est après les petites vannes que s'échangent Jace et Willow. Hein. Willow qui est encore des intox de magie, hein, je vous rappelle. Ils finissent par le lâcher très rapidement. It's all connected. Tout est connecté. Tout est lié. C'est très important de le dire. Donc chaque personnage va aussi l'apprendre, va l'expérimenter dans cet épisode. Tout est lié. Et surtout, il faut que tout soit lié. Il faut être uni, être connecté pour être plus fort quand il y a du danger, par exemple. Comme Jace l'explique à Willow, qui a du mal à accepter l'aide de Jace justement et de la communauté des sorcières, la communauté des sorcières dans laquelle elle se trouve pour gérer son addiction à la magie, la communauté de Miss Harkness. C'est qui Miss Harkness, Riley? Un point Google, Wikipédia. Ouais, Wikipédia, là, j'ai bossé. Je ne connaissais pas ce perso, c'est une référence aux comics Marvel. Ouais. Je ne sais pas, Miss Harkness. Et elle apparaît dans les Fantastic Four dans les années 70. Et en fait, c'est la tutrice de la sorcière rouge, ce personnage qu'on a vu dans les films de Joss Whedon. Ah oui, donc c'est un vrai personnage mentor. Elle est là de mentor pour la sorcière rouge. Donc là, c'est un peu le même sens. Elle est mentor pour ses. Oui, je crois qu'elle a les cheveux rouges. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça. On est à fond sur la blague ce soir. Bah non, c'est pas de la blague, c'est que c'est une référence, en plus d'être une référence clin d'œil aux comics, donc c'est une référence qui a énormément de sens. Alors, c'est ça que. Non, mais Joss, c'est un super fan de comics, on le répète sans cesse. Tout à fait. Et donc là, Willow a fait aussi une vanne sur Bangers and Mash, qui est un plat typique anglais, la saucisse purée, en gros. Et moi, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'entends Bangers and Mash, je pense à la géniale chanson Bangers, Beans and Mash d'Alfonso Ro. Non, on n'y pense pas. Vous y pensez pas. T'as un jingle là ou non? Eh ben, je mettrai le lien dans l'article parce qu'il faut connaître ce morceau. Écoutez, c'est nul en fait. C'est complètement génial. Tandis que Xander a un costume. A un costume. C'est quand même, il faut le noter. Xander a un costume, bah oui. Tout va à volo. Bon, on note pas que le plan Steadicam pour souligner ce costume et le côté adulte de Xander, il est complètement foiré. Hein. C'est un plan qui bouge beaucoup, qui est assez dégueulasse. Ouais, mais le plus important, c'est la suite. Là, je trouve que la lumière est pas terrible. Le plan séquence. Le plan séquence dans la cuisine. Tu n'as pas vu les jolis tatouages de Sarah Michelle Gellar? Non. C'était tout l'intérêt de cette scène. Je regarde. Dans le bas du dos, on peut découvrir deux de ces cinq tatouages. Il a cinq tatouages maintenant, aujourd'hui, pareil. Cette scène est géniale. Hein. Il passe d'une pièce à l'autre, le dialogue continue. C'est très long, c'est très Joss Whedon. Il fait ça tout le temps. En fait. Et surtout, on voit les tatouages de Sarah Michelle. Donc il y a ça dans l'urgence à l'époque aussi. Urgence, ils ont souvent fait ça des scènes entières. Ouais, des scènes entières. Est-ce qu'il y avait des tatouages aussi? Je me demande si Carter n'avait pas un petit tatouage derrière l'oreille. J'aime beaucoup Carter. Eh ben Sarah Michagar, c'est un symbole chinois qui signifie l'intégrité et de libellule. Mais si c'est si visible comme ça, non mais sans blague, c'est pour montrer que Buffy apporte ses symboles et que ça veut dire quelque chose peut-être pour son personnage. Sinon ce serait moins visible, je sais pas. C'est pas comme dans Lost, hein. Lost, Jack, ils ont mis ses tatouages, ça avait un sens. Oui, non mais là pas du tout, c'est anecdotique. Il a encore réussi à placer Lost dans ce. Oui, je sais pas comment il fait. Il va le placer là en plus. C'était prévu pour plus tard. Non, mais alors, trêve de vanne, surtout Xander et Buffy sont en train de recréer une nouvelle cellule familiale le couple, il y a souvent eu des couples métaphoriques, hein, j'ai envie de dire, dans Buffy. Il y a eu Joyce et Giles qui s'occupaient de Buffy, Tara et Willow qui s'occupaient de Dawn. Et là, pour s'occuper de Dawn, bah, c'est Xander et Buffy qui jouent le rôle des papas, des mamans poules. C'est vrai qu'on dirait carrément un couple, pour une famille. Pour ce premier jour à l'école. Et d'ailleurs, maman Buffy a prévu un cadeau pour sa petite sœur. Qui... Comme Ariane, notre invitée. Je confirme que les cadeaux sont délaissés. Des cadeaux. Ah oui, ils savent déjà. Ah ouais, bah moi j'ai pas pu m'en empêcher. It's all connected. C'est important de le préciser. Donc là, ça va très très vite. On n'a pas le temps de tout dire. Du coup, Ariane, n'hésite pas à parler parce qu'il ne te laissera pas parler. D'accord. Si tu... il faut s'imposer. Il faut couper la parole. Donc là, on arrive à l'extérieur du lycée. Dire ta gueule. Le plan. Et figurez-vous qu'il y a un plan rapide là sur. Ah, blah, vous avez vu ça? Vous avez vu ouais, ça? Tatouage. Non, pardon. Elle joue dans Walking Dead, non? Il spoil tout. Donc, c'est donc Kit qui va devenir l'ami de Dawn, un style vaguement gothique. Mais comme toutes les mamans coincées, Buffy la regarde d'un mauvais œil parce que. Pourtant, elle devrait savoir qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Bah oui, mais Buffy, elle n'a rien appris. Mais c'est pas la question. C'est que toutes tes convictions partent à volo quand tu as des enfants, je pense. C'est un petit peu ça. Et surtout, elle est victime de ce que beaucoup de parents font. C'est la projection. Elle projette sa propre vie d'adolescente sur sa petite sœur ou son enfant, hein, dans certains cas. Il y a Robin Hood qui vient d'arriver. Hein. Et voilà, elle s'inquiète pour sa sœur qui il pourrait arriver les mêmes mésaventures qu'elle dans le lycée. Mais oui, Robin, vous connaissez l'anecdote, prénom unisexe qui avait été choisi par Joss parce qu'au dernier moment, il ne savait pas que ce serait un homme ou une femme qui interpréterait ce nouveau proviseur de Sunnydale. Des choses à dire sur Robin Hood, Riley? Ah oui, on est allé chercher sur cet excellent site qui s'appelle IMDB. Hein. Je ne connais pas, c'est quoi? Donc l'acteur suivant s'appelle DB Woodside. Et bah, c'est un mec qui joue dans plein de séries, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il joue tout le temps. Donc un prénom en hommage à IMDB, c'est ça? Oui, exactement, mais du côté de la forêt, quoi. Et il a surtout été président des États-Unis dans 24 heures chrono, quand même. Ah, carrément. Donc c'est pas donné à n'importe qui. Il joue aussi dans Suits, la série que je peux regarder. Et en ce moment il joue dans Lucifer, aussi une série que personne ne regarde, j'ai l'impression. Bon. Peut-être parce que c'est pas. Mais, en tout cas, il est dans toutes les séries. Et là on a très bien dans Buffy. On a une scène qui a l'air d'être inquiétante, hein, parce que par la mise en scène très lente, par la musique très inquiétante aussi. Alors elle se passe dans des couloirs très lumineux, très propres. Mais c'est toute la magie du montage et de la mise en scène et de la musique, je le répète, qui donne cette étrangeté à cette scène avec le petit jumpscare du ballon de basket là qui fonctionne très bien. C'est une scène très intéressante. David Solomon se régale. Toutes les scènes après, elles sont réussies avec les trucs d'horreur, les zombies et tout. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a trop peu souvent, surtout dans les dernières saisons de Buffy, où un parti pris vraiment horrifique dans la mise en scène, dans la lenteur. C'est quelque chose qui est difficile de se permettre dans une série télé où généralement faut aller vite. Et là, des plans très très lents, des mouvements très lents, c'est très très. Cool. Sans dialogue, hein, c'est très cool. Et surtout, ça fait une bascule très intéressante avec l'autre scène qui est montée en parallèle des scènes d'exploration de Buffy. C'est Dawn dans la salle de classe, donc des scènes qui n'ont rien à voir, pas du tout horrifiques. On est plus dans la comédie de teenager, le prof qui a l'air plutôt sympa, qui demande aux élèves de se présenter. Oh putain. Sauf que là débarque un zombie fantôme. Non, enfin, c'est comme ça qu'ils sont. Si tu avais vu l'épisode, Clément. Non mais attends. C'est comme ça qu'ils ont été présentés. Tout à l'heure. C'est comme ça qu'ils. Je l'ai pas revu pour ce soir. Nuance. Donc tu te rappellerais, si tu t'en souvenais, qu'ils sont appelés comme ça par Buffy, des zombies fantômes. Et donc c'était la fin de l'acte 1. Oui, c'est pas vraiment ce que c'est. Début de l'acte 2, on a Dawn qui se présente à ses camarades de classe. Voilà, un moment qu'on adore passer tous. Hein, et oui, on sent qu'elle en chie, mais elle s'en sort plutôt pas mal. Ouais. Elle est un peu marrante, elle fait des bonnes... Jusqu'à ce que Buffy, voilà, Rick débarque et lui casse ce truc. Jusqu'à ce que sa frangine complètement barge fasse irruption dans la salle de classe et lui casse tout son business. Et donc là, elle va passer pour une nana bizarre avec une sœur étrange. Et c'est bien pour un premier jour. C'est aussi ça tout l'intérêt de la mise en scène et des portes. Vous savez que j'aime les portes. Les deux lieux étaient les deux lieux étaient séparés. Le lieu, les couloirs bizarres, c'était le lieu de Buffy et la salle de classe en ambiance guigrette, c'était Dawn. Et là, le fait que Buffy fasse irruption dans le monde de Dawn, dans sa salle de classe, a beaucoup de sens et montre que tous les problèmes de Buffy vont aller chez Dawn dans son univers alors qu'elle essayait d'avoir sa vraie identité. La mise en scène est importante sur ce coup-là. On a eu café expresso là. Expresso, le pump expresso, l'espresso pump. Qu'on cherchait l'autre jour dans le 15 billets. Exactement, tout est lié. Il y a un groupe en live en plus, c'est le groupe qui chante le générique. Et ben, je crois que c'est Strange Radio qui chante So High, tellement défoncé, on pourrait traduire par tellement défoncé. Littéralement. Ou très haut, c'est au choix. On revoit Anya dans cet épisode, c'est la première fois. Et Anouchka, la seule fois d'ailleurs qu'on l'a vu. Alfrek, très bien. Alfrek. Anya et Ah non, Alfrek. Mais non, je pense que c'est l'autre. C'est ça qu'un spécialiste de Buffy. Excusez-moi. Je confonds les prénoms, ça arrive. Alors là, dans cette scène, il y a une private joke de scénariste complètement tordue. Alfrek fait référence à Madame Klosgoz, ce serait très dur à dire. Et donc ça, c'est un nom qui a été choisi en référence à Léon Czolgosz, un anarchiste connu pour avoir assassiné le 25e président des États-Unis, William McKinley, en 1901. Et William McKinley, il avait été cité par Janet Spencer dans le script de l'épisode Superstar de saison 4. Donc il y a 3 saisons, c'est n'importe quoi. Et cette private joke donc de Joss Whedon adressée à Janet Spencer est tellement tordue que cette dernière ne l'avait même pas relevé. Et que Joss Whedon pour faire ça. Il y a que Joss qui sait qui est Léon Czolgosz, parce qu'il y a aussi un lien entre ce Léon et une comédie musicale, mais là c'est encore plus tordu, donc je vous laisserai aller chercher ça sur les internets. Je vais pas vous embêter avec ça maintenant. Pourtant, vas-y, ça a l'air passionnant. On voulait parler de Kali Rocha aussi. On va plutôt parler de Kali Rocha. Qui joue Alfrek là. Qui figure-vous a tourné toutes ces scènes de la saison 7 en un seul jour, dimanche ou un lundi d'ailleurs, mais c'est 3 scènes et demie, parce qu'elle jouait dans une pièce de théâtre à New York à cette époque-là, et donc elle a tout tourné en un seul jour, et même sa mort a été tournée sur fond vert pour être incrustée plus tard dans un plan tourné des semaines et des semaines plus tard, dans l'épisode Selfless, donc le cinquième épisode de la saison. Ariane, n'hésite pas encore une fois. Je vais commenter cette scène. Du coup, on voit Xander qui est bien habillé, très propre, etc. Et donc, ses vêtements forcément contrastent avec ceux des ouvriers derrière. Donc déjà, on suppose qu'il a une position quand même plus élevée. On l'a vu donner un papier au début de la scène. Il a quand même énormément changé par rapport à la personne qu'il était au lycée. Et il y a une forme de revanche aussi derrière. Ouais, il revient au lycée en winner. Il revient et c'est lui qui le construit. Et forcément, il se venge de tout ce que le lycée lui a fait subir, de toutes les personnes qui lui ont dit qu'il n'aurait rien dans la vie, qu'il ne pouvait pas aller à l'université ou ce genre de choses. Et tu vois, lui le vit bien, contrairement à Buffy qui est suspicieuse de partout, qui a peur de tout. Lui, il le vit super bien. Ouais, le lycée. Ouais, j'en ai chié, mais tout va bien. Et pendant ce temps-là, Dawn, elle voit ce que c'est le lycée de Sunnydale. Elle en fait la douloureuse expérience avec encore une fois une scène typiquement horrifique et très bien réalisée. Ouais. Un jumpscare de fou, grâce seulement à un mouvement de caméra qui nous fait découvrir le monstre qui était à côté de. Qui plante le crayon dans l'œil, un zombie fantôme. Voilà, elle est condamnée elle aussi à passer pour une folle aux yeux de ses camarades. Ça part bien. C'est triste pour elle, mais c'est très drôle et c'est encore une fois plein de clins d'œil. Cool, parce que nous on s'est fait avoir. Effectivement, le mouvement de caméra était lent, on n'a pas vu venir le truc. C'est cool. Ouais. Très très très très bonne scène. Une chose que j'ai oublié de préciser à la fin de la scène d'Anya, pour vous dire que tout est connecté. Voilà, Anya aussi a besoin de se connecter son ami Alfrek, l'aide et lui dit attends, écoute-moi parce que toi t'es dans l'erreur. Les gens ont besoin de s'unir et de céder parce que. Dans son cas, pour être un bon démon, mais pour être plus fort, en règle générale. Une scène très bien réalisée, là, dans les toilettes, Riley. Avec plein de portes. T'as vu, certaines beaucoup de portes. Oui, la scène, David Solomon encore au top, hein. Et là, on est que du point de vue de Dawn et la caméra essaie de garder Dawn au centre de l'image, en bougeant au-dessus d'elle et en dessous d'elle quand elle regarde sur les portes, c'était bien fait aussi. Et là aussi, un montage. Un endroit exigu. Bah ouais, et puis un montage aussi, un parallèle intéressant entre deux scènes. Dawn, donc, qui va pas tarder à rencontrer Kit. Et voilà, c'est drôle. Et Buffy qui rencontre dans le couloir le proviseur Wood. Et sans savoir, tous les deux, ils sont en train de rencontrer un nouvel allié pour cette année difficile dans la bouche de l'enfer. C'est bien vu, cette scène aussi. Ah, et voilà, Kit. Et on... Mais oui. Hey, mais qui est Kit? Il joue dans Walking Dead. Parce que ouais. Vous n'êtes pas sans savoir que Riley, Jesse, depuis quelques mois, est devenu un énorme fan de Walking Dead. Il nous en... bah, moi, il m'en parle tous les jours. C'est très énervant. Surtout de Jesse. Et donc voilà, donc Kit est interprété par Alexandra Breckenridge. Donc que tu connais jouer... parfaitement bien. Bah oui, ouais, je joue dans Walking Dead, la copine de Rick, la blonde, quand ils sont à Alexandria. Et Ah putain. Ah oui, mais voilà, elle est brune, hein, du coup on la reconnaît pas. Je l'ai pas reconnue. Voilà. Et ben c'est un de ses premiers rôles. Et ce qui est cool surtout là, c'est qu'elle va faire partie du Scooby Gang de Dawn. Alors ouais, juste pendant un épisode. C'est un... Ouais, c'est ça qui va. Bon, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'ils vont rencontrer aussi un gars après. On en parle après. On en parle après. Voilà, et puis surtout dans Walking Dead, elle a une mort incroyable. Regardez. Ah, très bien. Donc il spoil Walking Dead, mais ça, c'est n'importe quoi. Tu couperas ça montage. Bah, je peux pas, c'est le direct. C'est relou, quoi. Sérieux. Bah, je suis désolé. Mais c'est passé, tout le monde a vu Walking Dead. C'est pas important, elle est sympa. Attends, pour une fois qu'il y a des zombies dans Buffy, moi je les ai attendus depuis dès la saison 1, donc là je suis content de les voir, même s'ils sont fantômes. La scène était cool aussi. Là. Ouais, carrément. Ah, la scène était pas mal. Moi j'ai une petite retenue sur la déco, hein, parce que vous avez vu que c'était un faux sol, hein, forcément, et le raccord. On n'a pas parlé de la lumière aussi. Le raccord entre le vrai sol et le faux sol était un peu. Bancal, ouais. Tu cherches quand même. Ouais. Sur le plan large, on voyait. Les maquillages sont cool, par contre, pour les zombies. On voyait un peu la déco, c'était un peu dommage. Mais Predator Derek, nous sommes Sylvia. Donc la maison qu'on voit, c'est la maison d'Anthony Head. Tout simple. Et c'est sa chambre à gauche. Vous ça en êtes conscient. Et c'est chiotte à droite. Ouais. On est chez les stars. C'est dans l'intimité des stars, quoi. Attention. Bah, il bosse à domicile. C'était Joss qui réalise les scènes en Angleterre. Alors oui, donc par contre, ouais, c'est Joss qui est allé avec donc Alison Hannigan. Bah, Alison Hannigan était déjà en Angleterre. J'ai pas très bien compris. Et bah, elle habitait à l'époque, elle sortait avec Anthony. Pas du tout. Et il y allait avec quelques techniciens, donc en mode équipe B, quoi. Vous savez, sur les tournages, parfois il y a une équipe 2 qui s'occupe de quelques plans moins importants. Et ben bah, là, plans, pour le coup, tous ces plans en Angleterre ont été faits par Joss, c'est Joss qui les a réalisés. David Solomon. Et d'ailleurs, il s'est fixé un kiff avec ce dernier travelling arrière complètement barge. Bah, il a un peu sali la moquette, alors il était pas content, Anthony. Quoi. C'est ça. Il était dur sur le tournage, il paraît. Ouais. Un plan, il fait référence à un plan iconique, hein, de l'histoire du cinéma. Un plan tiré du film La prisonnière du désert, hein, un chef-d'œuvre de John Ford. John Ford, dont on avait parlé dans le dernier épisode de Pourquoi Buffy c'est génial. Hein. Mais tout est lié, disons. It's all connected, oui. Une fois de plus. Et donc là, oui, un plan très, très, très intéressant, très beau surtout, hein, ouais. et marquant, hein, tel un John Wayne, hein, comme il y avait dans La prisonnière du désert. Est-ce que Giles va réussir à ramener la Willow perdue, la ramener dans son home sweet home. Joli plan là aussi entre Buffy et Wood, là, avec le travelling circulaire, c'est très smooth. Alors, et c'est la assez... en position de faiblesse devant lui en plus. Et ça c'est rigolo parce qu'ils le disent dans les commentaires audio, c'est Joss qui l'avait écrit dans le scénario. Il voulait que ce soit filmé, que cette scène-là soit filmée. Mais là on sent bien que David Solomon il est bon, mais là il est guidé quoi le gars. Parce que mais d'habitude il est pas aussi bon que ça. Bah, t'arrives à sentir ça toi. Je sais pas, mais là c'est Joss qui écrit le truc. Ça m'étonne pas qu'il ait écrit dans le scénario. Il faut filmer comme ça. C'est un premier épisode. Sur les premiers épisodes, t'as toujours un peu plus de temps que sur le reste de la saison. Donc il y a plein de paramètres ils sont plus appliqués. Il y a pas de plan comme ça sur Birbad réalisé par. Il y avait très peu de plans comme ça dans Birbad. Mais oui. Là, ils ont rencontré le Xander de l'équipe. Donc Carlos. C'est comme Scooby Gang. C'est Carlos. Carlos, vous pensez Charlie Papon sur le chiot, bah forcément. Pas du tout. Mais si, vous avez rigolé pour ça. Non, c'était ta façon de le dire. Ah bon. Carlos, voilà. L'Oxander de. Il s'appelle Carlos. Ouais, mais c'était. Attendez, des zombies, putain. Des zombies fantômes, hein, je te le rappelle. Ouais, mais c'est vrai que tu adores cette référence. Et Dawn s'entoure donc. Là, c'est pas une référence à Intuition, justement. Tu sais, le. Intuition de Sam Raimi. Ouais. Tu parles pas d'un autre film de Sam Raimi. Tu te trompes pas de film de Sam Raimi. Non, c'est pas Intuition qu'on cite. Hein. Reprise, exactement le même plan là pour le coup. Bah donc Dawn s'entoure d'un mec, d'une nana, exactement comme l'a fait Buffy en s'entourant de Xander et de Willow. Donc bah, pareil. Heureusement que c'est pas un faux Scooby Gang avec une fausse Willow, un faux Xander. c'est trop bizarre. Version ratée. Non. Mais c'est un peu ça, un peu un clin d'œil à l'histoire de Buffy dans le téléphone lycée. Portable. Et alors le problème, c'est qu'on ne va plus jamais revoir Carlos et Kit dans les autres épisodes de la saison, sauf exception de Kit qu'on va vaguement entendre. Elle aura une conversation téléphonique avec Dawn dans l'épisode Conversation with Dead People. Mais oui, c'était pas non plus l'arc que devait. C'est nouveau les portables dans Buffy là. Dawn. Ah, tu veux qu'on parle de ça? Bah oui, parce que là, c'est la première fois qu'on voit une conversation au téléphone portable. Eh bien oui, l'arme secrète que Buffy a donnée à Dawn ce matin est donc un téléphone portable. Bah, comme nous aujourd'hui. Hein. Pour connecter les gens entre eux. It's all connected, hein, je le dis pas assez. Voilà, voilà. Et donc oui, le téléphone de Dawn lui sert à être relié en permanence à sa sœur. Et surtout, il est éteint. Je vous rappelle, je vous l'ai dit, on est en 2002. Le téléphone portable entre enfin en scène dans cette série, alors que donc les téléphones, c'était fin des années 90, quoi, on est d'accord. Ouais, hein, ouais, vers là, ouais. Et il y avait eu l'exception Cordelia Chase dans le tout premier épisode de Buffy. Vous vous rappelez, elle appelle ses copines après avoir vu Buffy dans les poubelles ou dans une salle bizarre du bronze. Mais bref, Joss ne voulait pas, refusait jusqu'à présent d'introduire le téléphone dans la série. Il avait peur que ça rende les choses trop faciles, que justement les gens puissent trop facilement s'échanger des informations. Mais là, il était temps de réparer l'erreur, et tant mieux. Et en plus, vous allez voir dans cet épisode, ça va, le téléphone portable va jouer un rôle très très très important pour relier les gens entre eux, justement. Parce que tout est lié. It's all connected. Il a craqué. Et puis c'est surtout, scénaristiquement, ça les aide bien quand même. Bah oui. Du coup, mais Joss s'en sert quand même. Ouais, oui. Bah il dit ça justement que c'est plus facile, mais après ça peut poser des problèmes parce que tu peux te dire l'intérêt aussi de certains, surtout des fins d'épisodes dans Buffy, c'était souvent que tous les personnages n'avaient pas la même info. Ouais. Et là, tu peux dire qu'avec un téléphone, c'est beaucoup plus simple de donner l'info à l'autre, donc c'est d'autres difficultés. Mais là, il s'en sert vraiment comme un outil de l'histoire. C'est-à-dire que c'est comme ça, oui, qu'elle retrouve d'autres. Mais je crois qu'on l'avait déjà évoqué dans le podcast. Mais on avait parlé déjà. Mais ouais, le téléphone portable, pour les scénaristes, ça a été une vraie révolution, quoi. Le fait de devoir écrire avec ce nouvel accessoire qui potentiellement fait que les gens peuvent tout savoir des autres, peuvent tous à chaque fois savoir où est quelqu'un. C'est pour ça qu'on voit souvent dans les films « Ah, j'ai pas de réseau » ou « Ah, j'ai plus de batterie ». On est obligé de le rajouter. Il faut justifier ça maintenant. Parce que le téléphone portable peut vite être un frein à la... D'ailleurs, justement, Dawn, elle fait une blague là-dessus. Elle lui dit t'as vu, j'arrive à ça capte super rejoindre, bien. Mais voilà. Oui, exactement. Alors que oui, on se serait empressé de dire ah non, je suis en danger parce que je capte pas. Là, justement, c'est l'inverse. On utilise à fond ce nouvel accessoire. Voilà, Buffy, ils s'en foutent complètement des zombies, ils se foutent de leur gueule. D'ailleurs, c'est pas des fantômes, on voit, donc ils ont pris forme. Ouais, mais ils vont se téléporter, tu vois. C'est des zombies fantômes. Hop, tu vois, là, c'est dans le camp. Et tu vois, et à la manière de. Vous vous rappelez du maître en saison 1, donc le méchant, le vieux vampire que Buffy doit combattre. Attention, il y a une priorité directe. Hein. Le vampire. Il y a des bras de zombies. Quand il y a des bras de zombies. Des vieilles règles. Buffy se soustrait à ces vieilles règles. Spike, tu as changé de coiffure. C'est donc une fin d'acte, la fin de l'acte 3, mais ça va extrêmement vite, on est très très en retard. Oui. Et Ariane n'a pas beaucoup le cliff, n'hésite pas vraiment à lui couper la parole. Le cliff de. Ah oui, je m'autant compte pas la parole, moi je continue. Voilà. Le cliff donc de cette fin d'acte 3, Spike est là, et il est dans la cave du lycée de Sunnydale. Il traînait là, tranquille. C'est un petit peu gros ça. Tout est normal, tout est clair. Et des choses à dire sur ses cheveux peut-être. Oui. C'est ça. Ah! Oui, j'avais un truc à dire là-dessus. Dans une interview de James Masters, il avait précisé que toutes les semaines, il était obligé de se teindre les cheveux en blond, étant donné que le personnage de Spike est un vampire et donc ses cheveux ne repoussent pas. Et pourquoi ici, justement, on voit bien ses racines. Il avait peur même que ça fasse du mal à ses cheveux. Que ça fasse du mal à ses cheveux et qu'il les perde. Plus jamais retrouver. Je pense qu'en fait, quand il a une âme, parce que là, il a son âme, tes cheveux poussent, en fait. C'est Angel en parlait. Au niveau, c'est vampire avec une âme, tes cheveux peuvent pousser. Excellente justification. Mais ça tient la route, hein. Alors, c'est David Boreanaz qui en parlait dans une interview. Mais alors, Joss en parle aussi dans les commentaires de cette histoire de cheveux longs. Il voulait. Ah, c'est un vrai scandale, quoi. Mais vous rendez pas compte, le personnage mâle principal de la série qui change de coiffure pendant. Bah, surtout que c'est l'intersaison. C'est surtout ça qui est problématique. Il est malheureux, là. Les vampires. Et que ces cheveux ne sont pas censés pousser. Quelle est la justification qu'a donnée Je pense qu'il s'en fout, en fait, de cette histoire de vampire. Il n'y a pas une Ariane, tu disais tout à l'heure, off mic, qui avait donné une justification. Non, c'est pas moi, c'était une question. Dans les commentaires, il disait qu'il voulait que Spike ait les cheveux plus longs pour montrer son égarement, je crois, un truc comme ça. Mais pourquoi il n'a pas retint les cheveux après? Là est la question. Non, mais voilà, c'est un caprice d'acteur et puis c'est tout. Excusez-moi. Non, il voulait qu'il ait les cheveux longs. Ouais, d'accord. Il aurait même voulu qu'il ait les cheveux encore plus longs, Joss. Pour montrer qu'il est encore plus égaré. Tout à fait. C'est toi-même qui as les cheveux longs, Clément. Moi, je suis très égaré. En ce moment, très égaré, hein. J'ai perdu mon chemin. En plein égarement, ça c'est sûr et certain. Je suis ravi que ça te plaise. C'est vrai qu'il est pas bien là. Hein. Il est un peu barjot, hein, on est d'accord. Hein. Et nouvelle fois, utilisation du téléphone portable. Et oui, pas, comme on l'a dit, ça change tout. Effectivement, maintenant les personnages communiquent entre eux. Donc qu'est-ce que tu veux, t'es obligé de composer avec ça, quoi. Je peux pas nier ça, surtout en 2002, en effet. Et surtout, d'ailleurs, est-ce que vous allez me répondre plus précisément, mais est-ce que Buffy n'était pas précurseur là-dedans? Parce que je me souviens à l'époque que je trouvais un peu navrant qu'il n'y ait pas plus de téléphone portable. Mais alors qu'il y en est en retard. Non, mais justement, c'est que je veux dire, ils sont en retard. En retard, 2002. C'est ce que j'ai dit. X-Files 93, ils sont téléphone portable. Bien sûr. Ouais, mais c'est X-Files. Non, mais il y avait des téléphones portables. Dans les années 90, tout le monde, surtout à Los Angeles. Moi, dans mon souvenir, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup dans les séries et les films. Mais voilà, c'est jusqu'à l'overdose 24 heures chrono. Là, il y a des. Non, non. Buffy a été très en retard sur les téléphones. Mais surtout, on n'a pas noté la thématique de la rédemption est enfin apparue. Hein, le fameux titre VF qui a été choisi. Il est en rapport avec cette histoire des zombies, des fameux zombies fantômes, qui essayent de tirer sur la corde du remords pour Buffy en lui disant que voilà, l'école a été construite sur leur cadavre, que c'est de sa faute, elle n'a pas réussi à sauver tout le monde quand elle était au lycée. Mais maintenant, on a une Buffy adulte, une Buffy qui s'en fout complètement. Ouais, elle leur dit d'ailleurs. Ouais, ouais. I don't give a shit, elle dit pas ça. Non, pardon, mais justement, elle n'est plus comme cette Buffy de saison 2, par exemple, dans Phases, qui s'inquiétait, qui prenait mal le fait que Teresa ait été. Teresa. Elle n'est pas réussi à sauver de la petite Teresa, par exemple, du loup-garou ou d'Angel, en l'occurrence. Buffy, elle est plus comme ça maintenant. Elle s'occupe plus des gens à sauver que des gens qu'elle n'a pas pu sauver. Elle est devenue adulte. Elle maîtrise. On voit Dawn qui prend les choses en main comme sa sœur à l'époque. Elle devient leader du groupe, naturellement. Ça, c'est cool. Et elle va inventer une arme incroyable. La scène du combat est géniale. Le sac à briques. Dans l'autodéfense, hein, si vous êtes attaqué dans la rue, tu mets ça dans ta besace, des briques dans ton sac et le sac à briques. C'est intéressant. C'est bien cette histoire de zombies, enfin de victimes collatérales que Buffy n'a pas sauvées. Moi, ça me fait penser que le zombie en tant que monstre n'a jamais été abordé de front, il me semble, dans Buffy, ou partiellement si, quand même. Non, non, mais quand même assez vite fait. Je l'ai déjà dit, on a déjà parlé. Mais... On t'a déjà dit que si dans l'épisode 2 de la saison. On fera un jour. Bah, du coup, refaisons-le parce que j'ai zappé. Deadline Party est complètement un épisode hommage à l'année des morts. Donc là, on est dans zombies, du Buffy genre de classique. Hein, franchement, je ne me souviens plus. Il se passe plusieurs trucs. Buffy affronte les monstres. Oui, on est dans une fin d'épisode classique avec un montage parallèle de trois scènes différentes, de trois lieux différents, mais tous connectés par l'intrigue. Oula, pas mal. Avec un personnage en danger qui est Dawn, un personnage qui combat, qui est Buffy, et un personnage qui essaye d'aider les autres dans un autre endroit, qui est Xander. Il y a Buffy des démons. Et pourquoi elle n'a pas pris Monsieur Pointu? Parce que c'est pas des vampires. Et ça marche. Et puis surtout, elle était pas prévue de prendre Monsieur Pointu. Ouais, après, ça pourrait marcher quand même. Hein, au sac, là, c'est cool. Donc surtout, Buffy a changé de chaussure. Hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Justement, ça aurait été cool qu'elle le plante et que ça marche pas parce que c'est un zombie. Elle a enlevé ses talons pour mettre des baskets. Je reste sur ma position. J'ai bien noté ce petit détail. Ouais, mais c'est une erreur de débutant, après. Alors que là, elle n'en est plus là à ce stade-là. Ouais, c'est vrai. Et quant à lui, Xander est à la recherche du talisman parce que Because there's always the talisman, c'est ce que dit Buffy. Référence à Evil Dead. Alors là, obligé. Il y a sûr, le zombie qui saute sur le gars qui a une chemise bleue et qui s'attend pas. C'est mais je crois qu'ils le disent dans les commentaires audio. Ils disent ah ouais, ces monstres, ils font très Evil Dead. En tout cas. Carrément, parce qu'ils sont hystériques. Comme Deadites. Voilà, il casse le talisman. Et le quoi, il casse le talisman. D'ailleurs, mais il est habillé comme Ash. Non mais ouais. Et il nique le sort en brûlant le. Ouais non c'est pareil, c'est Evil Dead. C'est cool. Et donc voilà, c'est cette réplique de Buffy vs Always the Talisman était une réplique un peu méta hein, parce que les scénaristes eux aussi ont toujours besoin d'un. Ils appelaient ça un phlébotimon. Phlébotinum. Qu'est-ce qu'il dit l'orthophoniste sinon? Et dans leur jargon entre eux pour évoquer cet objet dont a besoin l'intrigue pour avancer, le MacGuffin aussi, comme l'appelait Hitchcock. Donc là, retour au jour. Hein, il fait le jour. Sorti de la cave. On est au croisement des couloirs comme à la bonne époque. Comme à la bonne époque. Les ados plus grands que Buffy la remercient. Parce que c'est une maman sympa, celle la plus petite de tous. C'est marrant, tout l'épisode, ils font des vannes sur ça, sur sa coiffure, qu'on la prend pour sa maman et tout. Ouais. Et elle se sent malade, du coup. Moi, un pote à moi aurait une maman comme Buffy, je l'aurais jamais pris pour sa mère à l'époque du lycée. Wood, lui, commente la réussite de Buffy avec sa sœur et les deux étudiants à problème par un curiouser and curiouser. Donc curieux et curieux. Hein. Et okay. De plus curieux et encore plus curieux. Une réplique empruntée au fameux Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. C'est une réplique prononcée par Alice. Qui est surprise par tout ce qu'elle découvre dans ce fameux pays des merveilles. Et donc, ça nous montre que Wood, lui aussi, est en mode étonnement, naïveté. Il découvre ce monde. C'est un indice, quoi. On ne sait pas encore. Après, ouais, il est un peu mystérieux, il est censé être mystérieux. Mais on se rend compte que lui aussi découvre toutes ces choses curieuses. Oui, il est ambigu encore. On ne sait pas bien sur quel pied danser. Quand même, tout à fait. Même s'il est beau comme un dieu. Pardon. Clément est amoureux. Excusez-moi, je sais pas, ça m'a échappé. Et lui aussi veut connecter les talents. Il a compris qu'il faut être lié, être s'entraîner pour réussir. Et il veut connecter Buffy au lycée pour l'aider dans sa tâche, pour l'aider à sauver les jeunes idiots de la bouche de l'enfer. Donc il propose un poste de conseillère, enfin presque conseillère à Buffy. Il a compris. Direct. Mais il sait pas à ce moment-là que Buffy c'est la tueuse, pas du vu tout. Que sa mère non. était aussi tueuse. Lui c'est un fils de tueuse, tout à fait. Et non, il a juste vu que c'était une nana qui avait un dossier scolaire assez chargé. Mais il s'est dit que ça pourrait aider. Priorité directe. Priorité directe. Une la meilleure excellente scène, de l'épisode. Scène la un dernière petit, scène. De... Un Gollum avant l'heure. C'est la clair. Spike dans la cape qui est en Gollum. Petite forme. Donc tous les big bads de la série vont lui parler. Mais oui. Et lui qui revient, l'enfoiré, ouais, là. Putain. Donc, en fait, c'est la force, the first big bad de cette saison, qui n'a pas d'apparence physique en fait, qui est donc s'incarne comme l'apparence de l'autre. Et chaque méchant qui apparaît correspond à une saison et on repart en arrière. En fait, ouais, c'est un décompte. C'est ça. Un décompte. C'est qu'on n'a pas dit sur cet épisode, mais la saison 7, c'est vraiment comme un miroir de la saison. Et on reprend les retours aux sources, on reprend les back to basic, comme retour Lost aux sources. Avait fait en son temps. Tout à fait. Et donc la force, donc the first, le méchant aussi, le méchant original, hein, qui revient aussi aux sources du mal, comme Buffy revient aux sources de son identité avec le lycée. La first, donc tout est connecté hein, aussi. La force, c'est aussi un méchant connecté qui se connecte à tous les morts. Qui peut prendre l'apparence de tous les morts, et donc il le fait là, qui va torturer, qui torture Spike. C'est le méchant ultime, la force. Avec tous les méchants. Et là, vous voyez ce plan sur Harry Groner, l'interprète du maire. Vous voyez que la transformation, l'arrivée du, elle n'est pas faite en morphing comme les autres, mais elle est faite dans un raccord. C'est parce que sa scène d'Harry Groner a été tournée pareil après plusieurs semaines après le tournage initial, parce que lui aussi était pris. Et t'avais des preuves de disponibilité. Drusilla, et voilà, pour le torturer Drusilla. Un petit peu là. Drusilla, elle a la mauvaise idée de tripoter les cheveux de Spike, qui donc ils sont pas censés pousser déjà, apparemment. Qui déjà ne sont pas censés pousser déjà, et qui ne sont pas censés bouger. Bah non, puisque... parce que c'est une forme. Et on sait, pardon, je t'ai coupé. Non, oui. il faut couper les gens. On sait pourquoi Angelus n'apparaît pas, étant donné que c'était quand même un méchant dans la scène. Parce qu'il était occupé à tourner du jeu. C'est vrai, ouais. Mais il n'y a pas le juste des justes. Mais parmi, parce que, ouais, dans la saison 2, les méchants, ouais, c'est Angelus, mais c'est aussi Spike et Drew. Et là, j'imagine que si on veut justifier ça. Très techniquement, sans être technique. J'ai fait sa série, il n'y a pas le temps. Non, et surtout, Drusilla est la mieux à même de torturer. Ben, évidemment, il faut revenir le maître aussi. Et là, le maître, génial de voir le maître. Et le maître qui le dit très bien, right back to the beginning, on revient au commencement. Et pour finir avec la... Pourquoi la force apparaît sous la forme de Buffy, alors qu'elle est censée prendre l'apparence que des personnes mortes. Buffy est morte deux fois déjà. Buffy oui, mais elle est revenue à la vie. Elle est morte, ça ouvre plein de pistes. Et puis quand on sait ce que Buffy est pour Spike, du coup, ça fait sens. Quoi. Et puis finir là-dessus, c'est super cool. Quoi. La première fois qu'on voit Buffy dans l'épisode. D'ailleurs, c'est le plan Whedon, et c'est un peu décevant ça, que le plan, tu sais, le plan à la fin du générique, le plan Whedon, que ce soit pas elle. Je sais pas qui nous l'avait dit une fois. C'est arrivé dans les commentaires. C'est dans le Buffy Boat aussi. Ouais, voilà. Le générique de la saison 6, c'est Buffy Boat. Mais les deux dernières saisons, c'est pas Buffy. Parce que Buffy est morte, je me rappelle. On l'a dit ça déjà. Je crois l'avoir déjà évoqué. C'est une lecture que font beaucoup de gens. Les saisons 6 et 7, Buffy est morte. Donc c'est pour ça que le dernier plan du générique, c'est pas Buffy. Ce n'est qu'une image de Buffy. Effectivement, on l'avait déjà dit. Je crois qu'on l'avait déjà dit. On est sur une fin d'épisode. Hein, je crois qu'on demande sur le chat. Estelle demande c'est qui a créé le talisman. Eh bien, on ne sait pas. Ouais, il n'y a pas d'explication. On ne sait pas et on s'en fout. C'est Ethan Reins. C'est un vieil ennemi. Non, on s'en fout pas. C'est vrai que pour le coup. Non, alors on peut imaginer que c'est la force, comme Magnigan et tout ça, hein, contrôler quelqu'un. On n'est pas convaincu, tu vois. Mais ce n'est pas du tout expliqué. Effectivement, ce n'est pas du tout expliqué à aucun moment. Mais c'est aussi ça qui est intéressant. Pareil, je n'ai pas eu le temps de le noter. C'est que dans la première réunion du Scooby Gang, dans la cuisine de Buffy là, quand il déplie le plan du lycée pour savoir où se trouve la bouche d'enfer dans le nouveau lycée, on a une Buffy qui anticipe les événements. Elle a l'expérience maintenant, elle est une adulte et elle sait qu'il va se passer quelque chose de mal dans le lycée. Elle va pas le subir les événements comme elle le faisait avant. Elle sait déjà qu'il va se passer quelque chose de pas bien et donc elle anticipe la réunion, elle anticipe le mal, et donc c'est pour ça qu'on n'a même pas a priori besoin de savoir la source du mal, vu que Buffy savait déjà que quelque chose de mal. Mais Buffy maîtrise les codes de la série complètement, et elle connaît très bien la série, ouais. Elle en joue complètement pendant tout l'épisode. Est-ce qu'on se ferait pas un petit jingle pour se reposer, hein, c'était éprouvant, hein, cet épisode. C'est très vite. On se fait un petit jingle conclusion, ça vous dit? Allez. Ouais. Allez, c'est parti. Oh my God. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Je voudrais rappeler que Ryan a amené des cadeaux. Et du champagne. On boit le champagne. Normalement c'est maintenant, ouais. Normalement c'est le moment de la conclusion. J'y vais, y a pas de souci. Donc oui, il faut fêter la conclusion quand même. Hein. Faut fêter ça. moi je sais pas vous, moi j'ai un milliard de choses à dire parce que c'est un épisode qui passe extrêmement vite. On a raté tellement de choses. Plein de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On va parler fringues. Mm-hmm. On va parler fringues. On aime bien parler fringues. Je vais pisser. Il va vraiment pisser. Alors je vais parler fringues avec toi, Ariane. Est-ce que t'as vu que Dawn portait du noir? C'était assez étonnant justement. Oui, elle avait un pull, comment on dit, jacquard, hein, comme ça, noir. Et c'est quelque chose qu'elle a expliqué dans une interview. Elle a dit qu'elle était très contente de enfin pouvoir porter du noir. C'est elle qui l'a demandé et jusqu'à présent on lui refusait de porter des couleurs sombres parce qu'elle était censée être l'enfant, l'enfant de la série, donc elle était portée des couleurs vives pour montrer sa gaieté, je sais pas, sa naïveté, sa pureté, j'en sais rien. Et là, on l'a enfin autorisé à porter un pull. Et David Solomon dit dans les commentaires audio qu'elle était un peu dégoûtée parce que ce pull à col roulé qui devait être très chaud, elle en a bavé avec quand il a fallu tourner les scènes en extérieur devant le lycée où il faisait extrêmement chaud. Mais donc voilà, c'est aussi une preuve que voilà, Dawn est en train de devenir. Oui, le motif aussi, le pull en lui-même, c'est pas un motif que tout le monde porte. C'est ça lui donne aussi un air quand même assez sérieux. C'est ça, la petite Dawn grandit. Elle nous fait aussi dans cette scène devant le lycée, quand elle arrive au lycée pour son premier jour, une référence à la Twilight Zone. Et là, je suis obligé d'en parler parce qu'en plus, c'était l'indice que j'avais laissé à nos internautes pour qu'ils découvrent l'épisode que nous allions commenter. Donc, le mec bizarre que j'avais mis en visuel, c'était un des personnages de l'épisode To Serve Man, un épisode de la Twilight Zone, donc de la quatrième dimension en français. Donc la série fantastique que tout le monde connaît. Mais oui, c'était génial. Et Dawn y fait référence, d'ailleurs en spoilant légèrement, même beaucoup, l'épisode. Mais surtout, elle nous explique qu'elle a conscience que si quelqu'un va être gentil avec toi, c'est toujours avec une arrière-pensée. C'est toujours intéressé. Donc encore plus quand c'est un extraterrestre de 2m50 comme dans la Twilight Zone ou quand c'est la bouche de l'enfer. Donc voilà, Dawn aussi a appris de son expérience sunnydaloise, je sais pas si ça se dit. Elle a appris qu'il ne fallait faire confiance à personne, surtout dans la bouche de l'enfer. Est-ce que vous avez des choses à dire en conclusion avant qu'on attaque les festivités? Moi j'ai surtout été marquée par le fait que dans la relation entre Buffy et Dawn, Buffy traite quand même énormément Dawn comme son égale. Elle essaie de lui transmettre ses connaissances, elle veut en faire aussi une potentielle tueuse. Oui. Tandis que dans les saisons précédentes, elle la prenait quand même un petit peu de haut, comme elle la considérait comme sa petite sœur. Et justement, les vêtements, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, ça avait un sens aussi derrière. elle devient un peu l'égale de Buffy et c'est plus uniquement sa petite sœur qu'elle va infantiliser et qui a besoin d'une babysitter. Et c'est exactement ça, pareil, on le répète à chaque fois qu'on a fait un épisode de début de saison. Toute la saison est déjà présente dans cet épisode. Joss Whedon le sous-entend aussi très très bien dans les commentaires. Il dit voilà, vu que je savais exactement quand il a écrit le premier épisode, il savait exactement où allait aller la saison, que ça allait être la saison de la transmission, du transmission du pouvoir. Et donc c'est pour ça qu'il pouvait très facilement écrire cette première scène qu'on a vue dans le cimetière où Buffy transmet son pouvoir, enfin essaye à sa petite sœur avant plus tard de le transmettre à toutes ses petites sœurs du monde. Donc, c'est un truc de scénariste aussi de donner le thème de son film, enfin là donc de sa saison dès le début de la série ouais, dans la bouche des personnages pour faire citer le thème. Ouais et puis mais parfois il y avait des saisons où il ne savait pas où aller. Ouais. Mais là il connaissait déjà, il le dit le vraiment le final de sa saison où il voulait emmener son personnage. Donc, Clément, tu avais une petite conclusion, je crois que tu as préparé pendant des heures et des heures chez toi, c'est ça, hein ? Là, je viens de l'écrire en fait. Non, j'ai pas prévu de conclusion, mais oui, j'ai adoré cet épisode. Il coule déjà parce qu'il y a des zombies, donc déjà on est content. Et puis il y a des bonnes trouvailles visuelles. Le passage du relais avec Dawn aussi, c'est intéressant. Et dans l'ensemble, un très bon épisode, ouais. Moi, je voulais finir, je voulais aussi rajouter que j'avais oublié de vous dire quelque chose pendant une des scènes de salle de classe, quand Dawn, la première scène de salle de classe, quand Dawn est dans tu sa salle. Tu étais mauvais, toi, à l'école, c'est ça que tu voulais dire. J'étais extrêmement bon, mais j'étais un peu comme Dawn, j'étais un peu souvent au dernier rang. Et la première scène, vous voyez, pendant que Buffy déambule dans les couloirs et que. Oui. Et que dans la salle de classe, le prof commence à dire bonjour à ses étudiants. Mais la scène était plus longue, en fait. Il allait dire qui veut commencer ? Il allait donner la parole. D'ailleurs, il a donné la parole. Ça a été tourné, je crois. Il donnait la parole. C'est une scène coupée, donc tu parles. Ouais, voilà. Merci de préciser. Donc, moi, je vais vous expliquer une scène coupée. Donc, l'enseignant donnait la parole à Dawn pour lui dire de se présenter. Et Dawn y allait. Elle expliquait que sa sœur était une douce de vampire, que sa meilleure amie, c'était une sorcière qui a essayé de détruire le monde, qu'avant, elle était une boule d'énergie, qu'elle était klepto aussi, que ses amis, c'était Laetitia Jones qui a déménagé à San Diego parce que cette ville est mauvaise, Sunnydale. Et son autre ami, c'était un démon aux oreilles souples nommé Clem. Donc elle parlait de toi, Clément, dans cette scène coupée, c'est triste. Pour une fois qu'on parle de Clément, c'est dommage. Et voilà, et donc sous le regard abasourdi de ses camarades de classe, qui se demandaient mais qu'est-ce qu'elle raconte. Et après, c'était coupé et on revenait sur Dawn en mode pour nous faire comprendre que c'était une scène qu'elle avait imaginée. C'est un daydream, ils appellent ça, un songe qu'elle s'était fait. Et donc ça a été coupé parce que l'épisode était trop long. Et aussi. C'était pas mal de couper ça parce que du coup, cette histoire de réalité et d'imagination, ça arrive d'un coup avec la scène du crayon dans l'œil. C'est-à-dire que si on avait eu juste avant ce songe de Dawn, on aurait pu déjà oui, en voyant. C'était pas du tout de l'horreur, quoi. Ça ne participait pas du tout. Au thème de l'épisode. Mais voilà, on aurait pu, en voyant une nouvelle scène dans la salle de classe, se dire « Ah, est-ce que là, c'est la réalité ? C'est la fiction ?» On ne sait pas trop. Mais dans cette scène, de toute façon, le lumière n'était pas top. Donc, c'est pas grave. Coupé, je veux dire, Les lumières dans Rogue One. Pourquoi tu me sembles sur Rogue One, toi ? C'est parce que t'es jaloux de ne pas l'avoir vu. C'est ça, ouais. Ah oui, Riley vous a spoilé Walking Dead. Donc, si vous voulez lui spoiler Rogue One sur le chat, n'hésitez surtout pas. Balance-lui la fin de Rogue One. Il y a un autre truc qu'on n'a pas dit. J'ai juste en parler dans la conclusion. Il y avait Giles qui faisait du cheval et c'est la première fois. C'est la première fois de toute la série et la seule fois, je pense. Et il le fait tellement bien en plus. Avant, il avait une DS, Citroën DS, et là, il est à cheval. Et oui, très cool cet épisode. Un épisode excellent qui donc. On note. On met une note. Qui est un peu un condensé. Moi, je veux dire, un condensé des. Moi, j'aime pas. Tu pourrais faire un classement général de tous les épisodes. Pour dire que le lycée est un monde extrêmement traumatisant pour beaucoup d'adolescents. Oh oui. C'est ce que Buffy nous a appris et c'est ce qu'elle veut surtout apprendre à sa petite sœur. Et c'est ce qu'elle leur dit aussi au trio à la fin quand ils sont dans le couloir, au croisement des couloirs. Ouais. Des couloirs, elle leur dit justement de rester ensemble et que tout se passera mieux pour eux. Si vous êtes connectés, voilà. Et c'est ce qu'elle a fait elle aussi d'ailleurs. Ça, voilà, et ça peut mieux se passer. Ça peut très, très beaucoup mieux se passer. J'ai vu un court métrage cet après-midi, entre parenthèses, qui traite aussi de ça, du passage à l'âge adulte. Et on voit une adolescente très très mal dans sa peau, mais heureusement qu'il est entouré. Qui est bien entouré. On peut même préciser, c'est la réalisatrice de... Alors, c'est le court-métrage s'appelle Junior, ouais. De la réalisatrice Julia Ducorneau. Ducorneau, je crois. Plus son nom. Grave. Voilà, donc on continue, ouais, qui a réalisé un long métrage qui s'appelle Grave, qu'on a eu la chance de voir avec Clément, un film extraordinaire, moi je surkiffais. Et qui secoue pas mal. Qui n'est pas à mettre devant tous les yeux. Tu vois ça, rien. Extraordinaire. Et qui traite aussi un peu de ça, de comment on devient une femme, du rapport au corps, à la chair, sexualité, tout ça, le rapport aux autres. L'identité par rapport au groupe, ouais, beaucoup de choses comme ça. Donc un film extraordinaire, Grave, qui aurait pu être un très bon système Buffy. Il est trouvable sur internet? Et pas du tout, parce qu'il n'est pas encore sorti. D'accord. Il sortira le 16 mars en salle. On a de la chance, en plus c'est un film de genre, on a de la chance qu'il sorte en salle. Franco-belge, français, je précise. Ouais, il faudra absolument voir ça les gens, mais ouais. Moi j'ai prévu d'en reparler, j'ai tellement surkiffé ce film que au mois de mars il y a des chances que j'en reparle. Fin de la parenthèse. Du coup on va trinquer. Trinquons. On va pas trinquer, là. À la bonne vote. Bravo pour ton mémoire. Merci à vous. Sur le chat. À votre. Marie te félicite, Ariane, pour ton mémoire. Ah bah merci beaucoup. Allez, on va faire honneur. Ce podcast est passionnant. Hein. Là, pour le coup, on est sur un truc. Et puis après, on doit attaquer ta bouteille, Clément. Tout à fait. Ta bouteille. Ça sera pour la fin du podcast. Parce que Clément voyage et il a ramené des cadeaux. Riley, prends-en de la graine. Ok. Non, mais... Là, il a les boules parce qu'il croit qu'il n'y a pas de cadeau. Ah ouais, mais j'ai ramené. Cadeau, quoi. J'ai ramené. Tu vois, j'ai senti dans son œil. Ramené que ça, quoi. Mais non. Ton cadeau est chez moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai. Je vais me déplacer chez toi. Ouais. Bah oui, il est chez lui. Il l'a pas encore acheté. C'est-à-dire qu'il est trop lourd. Il est trop lourd pour être déplacé. Il vient du même pays. Il est trop gros pour être déplacé. Il a passé la frontière. Ah oui. C'est un truc légal. C'est légal ou quoi? T'étais où? En Sicile. Je t'ai ramené des. Voilà, comment on appelle ça? Des cannoli. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Est-ce qu'on... Pâtes, tu as un paquet de pâtes. Non, les cannoli, tu sais pas? Les pâtisseries italiennes, c'est trop bon. Des pâtisseries, mais t'es parti il y a 3 semaines, tu te souviens de ma gueule. Mais c'est bon, elles sont au frigo. Est-ce qu'on parle des vacances de Clément ou est-ce qu'on parle de notre invité? Des vacances de Clément Non, bah non, de l'invité. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'elle a des vampires. C'est badass. Et elle a gros seins, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça me donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Ariane, c'est à toi de jouer. Comme on l'a expliqué, donc t'as travaillé sur Buffy et sur ses fans, carrément. Mais tu vas pas y couper, il y a 3 questions auxquelles les invités doivent passer. Trois questions, c'est ça. Le 29e podcast. C'est le champagne. Donc, oh, je vais te les poser. Hein, Parce que, en plus, c'est des questions qu'on pose aux invités. Ce soir, c'est. Je vais commencer. Donc, la première des 3 questions. Quel est ton épisode préféré de Buffy contre les vampires? Alors, déjà, j'en avais retenu 2 en fait. Ah. Parce que déjà, c'était assez difficile d'en choisir qu'un seul. Bon, heureusement que t'as amené des chocolats. Donc, moi j'avais beaucoup aimé l'épisode Helpless, dans lequel justement il y a le conseil qui vient, qui fait passer son épreuve sans qu'elle le sache. Parce que déjà, elle se fait trahir par Giles et on apprend justement qu'il a un amour paternel pour elle. Ça change quand même quelque chose dans leur relation. Et aussi parce que justement ça abordait la question du de tout le côté traditionnel du conseil, le fait que justement Giles avant était quand même très du côté du conseil, et là tout d'un coup il commence à prendre conscience de ce que Buffy subit, de ce qu'elle doit vivre, etc. Et justement c'est à ce moment là qu'il commence à se ranger de son côté et couper les ponts en quelque sorte avec le conseil. Et sinon j'avais aussi beaucoup aimé l'épisode Hush, comme beaucoup de fans justement, mais c'était plutôt pour l'ambiance de l'épisode, génial, la musique, les personnages qui sont quand même vraiment effrayants. Les dialogues aussi. Parce que justement, les gentlemen sont... Ils font peur. Ils font vraiment très peur parce que justement, il y a ce contraste entre leur apparence, ils sont toujours bien préparés, bien habillés, etc. Et pourtant, ils font quand même preuve d'une vraie cruauté et d'une vraie barbarie à l'égard... Des victimes, quoi. Mais après, c'est vrai qu'en règle générale, les épisodes de Buffy qui abordaient vraiment des sujets un peu de société, etc., des sujets quand même assez importants, assez graves, dont on parle très peu en général, m'avaient quand même énormément plu. Parce que justement, c'était un moyen enfin de faire réfléchir le téléspectateur, de pas juste rester passif devant sa télé, de pas simplement regarder des trucs comme ça sans réfléchir. Là, il y a une vraie réflexion derrière, il y a un début de réflexion. Et c'est peut-être aussi pour ça que justement qu'il y a autant de fans de Buffy et que même 20 ans après, ça fonctionne encore. Quoi. Totalement. La deuxième question qu'on pose à nos invités, c'est comment tu as découvert Buffy ? Ouais. Comment ça va ? J'avais découvert Buffy, donc j'étais très jeune en fait, j'étais encore à l'école primaire. Ah oui ? J'ai découvert au moment où ça passait à la télé. D'accord. Là, ça passait. Donc ouais. C'était 99-2000 à peu près. Et du coup, à cette époque, je regardais Fais-moi peur qui passait sur France 3 à la télé. J'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien le fait que ça fasse peur, etc. C'était Fais-moi sympa. C'est comme chair de poule. C'est comme chair de poule, mais c'était en version canadienne, quoi. D'accord. C'est avec des acteurs canadiens, etc. Et ça me plaisait justement l'ambiance un petit peu film d'horreur, etc. Et un jour, je suis tombée sur Buffy et j'étais tombée sur une scène de combat justement avec des vampires. Et moi, je m'attendais à ce qu'elle soit tuée, quoi. Bah, et juste après, en fait, elle a retourné la situation à son avantage. Ça m'a surpris et je me suis dit bon, bah autant continuer, allons-y, je vais regarder. Du coup, après, il y a ma sœur qui m'a rejoint, on a commencé à regarder ensemble, après on a continué, on a regardé Hush ensemble, on a fait des cauchemars toutes les nuits et tout. Voilà. C'était vraiment. Vous regardiez Hush? Non, c'était après. Ah, oui, c'était après. Ouais, c'était quelques années après. Et après, bon, elle a arrêté, moi j'ai continué. Et du coup, ça a abouti à un mémoire, quoi. Ah voilà, voilà. Et voilà une question. Est-ce que tu aurais cru faire un mémoire, c'était pour extrêmement... ça. Pas du tout, pas du tout. Et justement, ça m'a fait vraiment bizarre de me dire que. 10 ou 15 ans plus tôt, bah, je regardais ça tranquillement, ouais. Je m'y attendais pas, quoi. Mais très bonne transition, on va parler de donc, ton travail sur la série. Donc, tu as fait un mémoire donc, de sociologie, ouais. Donc, qui s'intitule « Inversion des normes de genre et identification, analyse et réception de la série Buffy contre les vampires ». Alors déjà, est-ce qu'on peut le lire à la BU ? J'en ai aucune idée. Je sais que la fac Paris 4 a gardé les travaux, mais ouais. Je sais pas s'ils ont une vraie base de données qu'on peut consulter. Mais après, s'il y a quelqu'un qui a envie de le lire, qui a envie de jeter un coup d'œil, il suffit de m'envoyer un mail et je l'enverrai sans problème. Carrément. Alors, donc on va en parler un petit peu. Donc, c'était quoi ton ambition quand t'as voulu parler de Buffy ? Alors d'abord, en fait, j'avais pas du tout prévu de parler de Buffy. Ah oui, j'étais complètement dans un autre délire, mais après, il y avait des problèmes justement de terrain, de méthodologie. Donc j'avais plusieurs idées. Je pensais travailler sur la série Hannibal, ouais, vu qu'elle était quand même assez courte, c'était que 3 saisons, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis après je me suis rendu compte que c'était assez difficile de trouver des fans, qu'il n'y avait pas forcément de... Il n'y a pas de communauté. Voilà, il n'y avait pas de véritable communauté. Et du coup, quand je suis partie à la Comic-Con, j'avais pour idée de travailler sur les geeks, les fans de fantastique en général. D'accord. Et c'est là que je suis tombée sur vous. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas, vu que je vous avais sous la main, quoi. Ah oui, on avait un stand. J'étais venue à votre stand et j'ai bien galéré pour le trouver d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, je suis tombée sur vous. Et les pauvres, personne n'allait voir. Il faut qu'on en parle. Et du coup, après, comme j'avais déjà vous trois, quoi, je me suis dit, autant continuer sur la lancée et travailler sur cette série en particulier, sur en plus les conseils de mon directeur de recherche. Oui, t'avais conseillé de choisir. Ouais, parce que sinon c'était trop. Va voir Riley, Clément et Sartman. Il m'avait conseillé de me focaliser sur une communauté de fans en général parce que sinon c'était trop vaste, c'était trop compliqué, etc. Et du coup, je savais pas forcément. La difficulté en fait dans ce travail, c'était en même temps de parler de la série et en même temps de parler des fans. C'est pour ça que, sans m'en rendre compte, en fait, j'ai fait un gros bloc sur l'analyse de la série et un autre bloc sur les fans de la série. Mm-hmm. J'ai pas forcément pu très bien tout mélanger, mais c'est vrai que c'était pas évident de parler de Buffy contre les vampires à des personnes qui n'avaient pas vu la série, en l'occurrence les membres du jury, oui. Tout en leur parlant des communautés de fans. Donc j'ai quand même essayé d'analyser la série, de montrer justement les liens avec les normes de genre, le féminin, le masculin, etc. Ah oui, ça c'est très bien fait dans le mémoire. Justement. D'autant plus que dans mes recherches, après, j'avais vu des sites internet, des blogs, etc., qui analysaient aussi la série, mais qui remettaient en question le côté féministe de la série. Et je me suis dit, pourquoi pas me focaliser là-dessus, parce que justement, il y avait pas mal de critiques là-dessus. D'un côté, il y avait des gens qui disaient que Buffy n'était pas une série finalement si féministe que ça, et que c'était pas l'ambition de la série, et c'était pas l'ambition de Joss Whedon de faire une série, enfin, de faire presque un manifeste féministe, que c'était pas le but premier. Et d'un autre côté, on avait une surinterprétation du discours féministe par certains spectateurs qui disaient justement que Buffy, enfin qui partaient du postulat que Buffy était d'emblée une série féministe et donc l'analysait comme telle, ouais. Et passait à côté de parce plein que de l'héroïne trucs, est, enfin que c'est une héroïne. Voilà, c'est ça. Donc parce que c'est une femme, ouais. Parce que donc lui donner un propos politique. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, c'est on passait. Léger, comme argument. on passe femme, c'est féministe, tout simplement. Ouais. On passe, mais justement, c'est, oui, c'est l'un des problèmes. De... C'est, dès l'instant où il y a une femme, parce c'est censé être féministe. Parce que l'époque aussi, vu que c'est, ça ouais, n'existait ouais, pas, ouais, donc forcément, ça dénotait. Mais d'ailleurs, ce qui est quand même assez étrange, c'est qu'à l'époque, il y avait aussi Xena la guerrière, il y avait aussi Sydney Fox, il y avait Charmed aussi. Ouais, mais qui étaient quand même des objets de désir. Voilà. Alors que Buffy, voilà, c'est ça. Déjà, et c'était pas des séries qui ont été autant étudiées que Buffy. Ouais. Alors que sur Buffy, il y a quand même pas mal. J'attends de lire un mémoire sur Xena. Hein. Pourquoi Xena, c'est génial. Alors que sur Buffy, il y a quand même pas mal de travaux scientifiques, il y a plein de livres qui ont été publiés. Quoi. Buffy Studies et tout. Ouais. Voilà. Et ouais, non, c'était pas mal. Après, plus pour la méthodologie, donc j'ai fait une analyse des épisodes. Je m'étais vraiment focalisée sur les trois premières saisons parce que c'était les plus intéressantes. Ouais, ouais. C'était justement là où il y avait toute la relation entre le féminin et le masculin, que ce soit avec les personnages de Xander ou même de Cordelia. C'était assez intéressant de voir justement les différents stéréotypes féminins et masculins. Ça me fait penser à un truc, tu te demandes, t'as carrément fait un tableau où tu décris dans les scènes de combat la position et la réaction de la victime en fonction qu'elle soit un homme, une femme, si elle crie, si elle est allongée, si elle est debout. Moi j'ai adoré les tableaux. Ça va hyper bien, tes tableaux, c'est hyper précis. Les pourcentages, t'as décorté. Je te dis pas le boulot que ça a été. Ouais, t'as fait des stats sur ça. Ou les interactions entre les personnages, genre dans la bibliothèque, je sais plus. Quand ils se coupent la parole. Oui, qui intervient, qui dit quoi, qui. C'est vrai que c'est des choses qui donnent quand même une vision quand même d'un truc, du personnage ou de la série. Oui, et puis comme c'est quantifié, du coup, forcément, ça solidifie un petit peu l'argument. Bah oui, quoi. C'est que ça justifie. C'est pas juste empirique, quoi. Mais justement, dans la relation entre Giles et Buffy, j'avais fait un tableau justement où on voyait. Combien de fois les personnages se coupaient la parole, combien de fois Buffy donnait des ordres, et je m'étais basée sur le type de phrase en fait qu'elle utilisait. Ouais. Si par exemple elle donnait des ordres catégoriques du genre il faut faire ceci ou va faire ceci, etc. Et justement on voyait que c'était quelque chose. On voyait que c'était quelque chose qui revenait très souvent dans la bouche de Buffy, alors que Giles lui justement il essayait toujours de il était toujours plus dans la demande de service, quoi. C'était plus est-ce que tu pourrais faire ceci ou cela s'il te plaît, etc. Donc ça montrait aussi que c'était Buffy qui dirigeait un petit peu le truc, mais elle était toujours, il y avait toujours cette tension entre Buffy et Giles, où justement Giles essayait quand même de donner des ordres aussi, vu que c'était l'adulte à l'époque. Mm-hmm. Donc il essayait aussi de donner des ordres, de poser un cadre, etc. C'est ton perso préféré, Giles, finalement? Non, c'est Buffy. Non, c'est pas tout à l'heure tu parlais de Helpless, effectivement, de la relation entre Giles et Buffy. Bah après c'est vrai que leur relation elle est vraiment très belle quand même, quand on la compare justement avec celle de Faith et celle du maire. Oui. Buffy et Giles, ils ont quand même une relation où ils se considèrent d'égal à égal, alors que le maire considère quand même Faith comme une subalterne, comme inférieure, et il va jamais plus loin que ça, quoi. Mais pour venir sur ton mémoire, est-ce que tu as bâti une structure par rapport aux entretiens que tu as fait, ou c'est où tu les as adaptés à la... Ah oui. Donc tu as rencontré des fans la série que tu as interrogé pas plusieurs fois. Tu as fait des entretiens avec eux, en tout cas, tu leur posais des questions, tu leur faisais. Donc nous, on a participé aussi. Tu nous posais des questions, on donnait des réponses, et alors comment ça s'est passé? C'est vrai, comment t'as sélectionné d'ailleurs? Alors pour la sélection des enquêtés, en fait j'avais pas de critères particuliers, il fallait juste que forcément les personnes soient fans de Buffy. Fallait que les personnes elles-mêmes se définissent comme fans de Buffy, en fait. Et à partir de là, je leur demandais pourquoi elles se considéraient comme fans, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'elles se donnaient ce statut. Pourquoi est-ce qu'elles aimaient la série, comment elles l'ont découverte. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai vu justement que la question du féminisme revenait très souvent, et moi-même je l'avais un petit peu remarqué. Donc je me suis dit pourquoi pas gratter là-dessus. Et du coup après j'ai refait un questionnaire plus spécifique sur la question du féminisme et le rapport à la série. Ouais. Et voilà quoi. Ils sont sympas, les fans de Buffy. Ils sont très sympas. Les fans de Buffy sont sympas. Donc ils ont été super sympas, ils ont été très coopératifs, très honnêtes. Alors ça aussi, tu as un peu répondu. Est-ce que donc tu connaissais déjà très bien la série avant de te lancer là-dedans? Je la connaissais déjà, vu que je l'avais vue à peine 2 ans auparavant. Donc d'accord. Je la connaissais quand même très bien. Donc t'as tout revu là, pour le mémoire? Ouais, j'ai tout revu après. C'était pas une galère non plus. Il y a pire. Et alors justement, est-ce que c'était bien vu de travailler sur une série télé à l'université? Pas énormément en fait. Il y avait une fille en M1 qui voulait faire un travail justement sur les personnages féminins dans les films noirs des années 40. Après, elle a abandonné l'idée. Mais en France, c'est pas quelque chose d'encore très ancré culturellement. Donc, ça se fait plus aux États-Unis. Oui, mais toi aussi, t'es en sociaux. Est-ce que voilà, c'est, justement, est-ce que c'est courant en sociaux de parler pas du tout, série. Pas du tout. Ouais. Et c'est pas normal, parce que je viens qu'en fac de ciné, on doit parler de série maintenant, mais peut-être pas. Non, non, j'ai eu pas mal de critiques, etc. Et c'est vrai que les gens pensaient qu'il y avait une surinterprétation, justement. Et c'est pour ça que il y avait tout l'intérêt des tableaux, en fait. C'est pour montrer que, non, finalement, c'est pas que... La série, en plus, a jamais été aussi un vecteur social fort. C'est ça. Mais justement, c'était toute la question du stigmate, du fait d'être geek, etc. C'est qu'on les prenait pas forcément au sérieux. Et que dire qu'on est fan de fantastique, ça passe pas en société, en fait. Ça passe pas du tout. Quand tu interprètes, etc., les gens se disent mais non, mais c'est n'importe quoi, etc. Alors que justement, il y a pas mal d'œuvres, enfin, il y a une quantité incroyable d'œuvres fantastiques qui traitent justement de problèmes de société, qui anticipent justement sur certains problèmes, ne serait-ce que sur des questions de génétique, de robotique ou ce genre de choses. Mais non, c'était. Mon prof était quand même assez ouvert sur la question parce que lui-même, je pense qu'il aimait bien le cinéma, etc. Donc il était d'accord pour travailler là-dessus et c'est pour ça justement qu'il a intégré la question des normes de genre. Bah oui. Mais c'est vrai que ça n'a pas forcément été évident et c'était justement toute la difficulté des entretiens, c'était de mettre les enquêtés à l'aise et de leur dire que moi aussi j'étais fan de la série, que moi aussi j'étais contente et que je comprenais pourquoi est-ce que parfois tu te lançais dans des espèces d'élan comme ça et que t'étais hyper enthousiaste à l'idée de parler d'une série quoi. Mais en dehors de la communauté, ça passe pas forcément très bien. Et en socio, c'est quoi le sujet type du coup? Vous parlez de quoi? Tu peux faire de la socio sur tout à partir du moment où il y a des gens entre eux. Oui, bien sûr. J'ai l'impression, hein, tu me coupes si je dis bêtises, mais tu analyses des mouvements collectifs, en fait, c'est ça la socio. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu peux vraiment parler de tout dès l'instant où tu analyses la manière dont ça. Enfin, dont ça modifie le comportement des gens, ça modifie leur façon de penser, etc. Et c'est ce qu'on voit avec les normes de genre, justement. Bah oui. Et c'est ce que la série a essayé de déconstruire. C'est basé, justement, sur plein de stéréotypes genrés, de la petite blondinette minuscule qui a l'air fragile au premier abord et qui, en fait, est super forte, quoi. J'ai encore une petite question. Bah oui. Angel ou Spike? Spike. Pour toujours. Excellente question. Excellente question, Clément. Moi, je sais que vous avez fait des séances auxquelles j'ai pas pu venir parce que j'étais pas dispo. Vous avez presque fait des commentaires audio, si j'ai bien compris. Vous avez commenté des scènes. Ouais. Comment ça s'est passé? Racontez-nous, vous trois là, comment s'est passé ces séances collectives? On était attachés. Comme Orange Mécanique. Non, on regardait des extraits en groupe. Et on en parlait entre fans, en fait, tout simplement. Hein. Voilà, chacun s'écoutait parler. Tout le monde n'était pas toujours d'accord, ce qui allait monter le débat. Ce qui était intéressant, C'était très cool. On débordait sur d'autres sujets, d'autres films, des séries, des livres. Et pour revenir après sur d'autres films. Et toi, Ariane, t'avais choisi des extraits spécifiques aussi. Oui, j'avais pris des sujets, des scènes, justement, qui parlaient spécifiquement, qui montraient une tension entre le féminin, le masculin, etc. Donc, on avait vu la scène... où il y a l'espèce de petit débat entre Willow, Xander et Buffy dans l'épisode Le Puzzle. J'ai oublié j'ai oublié le titre en anglais. Ah, Some Assembly Required. Voilà, c'était ça. Et c'était la scène où justement... parce qu'il y avait quelques références en fait à la friendzone dans Buffy. Ah oui, alors tu dis que la friendzone, c'est un concept misogyne, j'ai appris ça en te lisant. Oui, il y avait pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus parce que justement, ça partait du principe. Intéressant et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, j'avais pas percuté que beaucoup de jeunes aujourd'hui, du coup, ont ces propos sexistes, misogynes, parce que c'est devenu un terme. Voilà, banal, commun. Oui, justement, c'est ça. Mais c'est toute la difficulté en fait des travaux sociologiques et. D'une forme de vulgarisation scientifique, c'est que, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme en lui-même repose sur quelque chose de sexiste, mais les gens qui l'utilisent n'en ont pas forcément conscience. Ouais, pour eux, c'est simplement quelqu'un qui est considéré comme un pote par une fille avec laquelle ils veulent sortir, quoi. Ouais. Mais ils se rendent pas compte forcément du côté un petit peu sexiste derrière, et c'est justement ce que j'avais essayé de montrer dans le mémoire, quand on avait analysé justement cette scène entre nous, quoi. C'était que Xander, lui, ne comprenait pas pourquoi, et reprochait même à Buffy de ne pas vouloir sortir avec lui alors qu'il était super sympa, qu'il était super cool, etc. Quoi. On a une question sur le chat. On demande si est-ce que ton prof connaissait Buffy? Je lui en avais parlé justement, je lui ai dit ouais, je reviens travailler sur Buffy, etc. Il m'a dit qu'il en avait entendu parler parce qu'à l'époque, quand c'était sorti à la télé, enfin quand c'était apparu à la télé, pardon, il était au lycée. Donc, ouais, il est quand même vachement jeune, quoi. Mais il connaissait. Il y a un autre âge, quand même. Ouais, non, il connaissait, mais après, je crois pas qu'il était fan de la série, mais je pense que ça lui a donné l'occasion de revoir un petit peu. Ah ouais, tu penses sous un autre. J'espère. Bah, c'est cool. J'espère. Bah, mais, ça sert pour ça. Ouais, mais en tout cas. Mais en tout cas, justement, les membres du jury. Donc, j'avais mon directeur de recherche et une prof. De sociologie aussi, elle m'avait dit qu'elle connaissait pas du tout et qu'elle était contente que, enfin, de découvrir la série, de comprendre que justement l'image du vampire servait quand même parfois à véhiculer certains messages, à faire réfléchir sur certains sujets, quoi. Est-ce que sur le chat il y a d'autres questions? Parce que moi j'ai des questions, mais c'est plus pour conclure. Non. Alors je voulais te demander, est-ce que. Tu m'as pas demandé si j'avais des questions. As-tu des questions? Non. Mince. Sur les questions sur la lumière, on te demandera. Est-ce que. Bah, elle est pas très bien. Les conclusions générales que tu as tirées de cette expérience, de ce travail, est-ce que t'as appris des choses auxquelles oui. tu t'attendais pas du tout? Oui, bien sûr. Forcément, j'ai appris. Pas mal de choses là-dessus, justement, ouais. Ne serait-ce que par rapport à mon rapport personnel vis-à-vis des normes de genre, vis-à-vis de la féminité, forcément, ça a énormément changé. Et justement, moi, ce qui m'avait énormément frappé dans la série et qui m'a beaucoup plu, c'était le fait que ce soit un trio. Que ce soit pas ouais. justement un rapport binaire, que ce soit pas un duo, en fait. Généralement, quand on a quelque chose qui fonctionne à deux, il y a souvent une opposition, c'est souvent l'occasion de faire une opposition, alors que là... Et d'avoir un love interest, Mulder Scully... Voilà, déjà de un, mais aussi, généralement, quand il y a un rapport binaire, que ce soit entre des personnages ou dans n'importe quoi, ça, c'est toujours l'occasion de faire des oppositions. Alors que là, le fait que ce soit un trio, qu'il y ait Willow, Buffy et Xander, ouais. ça permet justement de marquer une complémentarité. Buffy, elle s'oppose pas uniquement à Xander, elle s'oppose aussi à Willow. Et pareil pour les deux autres personnages. Tout dépend des situations, en fait. Tout dépend des situations, et c'est ce qui fait que la série est beaucoup plus subtile, que le discours est beaucoup plus subtil, que c'est pas. Enfin, c'est pas. La morale est pas forcément grossière, quoi. On a le point de vue des trois personnages. Et ouais, c'est beaucoup plus subtil, du coup, il y a moins d'opposition, il y a moins de binarité. Bonne série, très très bonne série. C'est une bonne série, je vais conseiller. Si alors, moi j'aurais une toute dernière question. Donc, à la fin d'un mémoire, forcément il y a une bibliographie. Hein. Donc, plein de choses passionnantes dans cette bibliographie. Est-ce que tu aurais conseillé à nos auditeurs, je sais pas, un article ou un ouvrage qui pour toi t'a beaucoup aidé par rapport à la série, qui t'a je sais pas, ouvert des portes ou oui. t'a ouvert les yeux sur. Moi, il y avait. Des portes hein, quand même. Encore les portes. Moi, il y avait un livre qui m'a beaucoup servi pendant mes 3 années de sociologie, du coup de la L3 jusqu'au M2, vu que j'avais fait un M1 sur aussi la question du genre. Ouais. C'était un livre, bon après c'est un livre de sociologie, etc. Donc je ne sais pas si tout le monde va vouloir le lire, mais c'était Introduction aux études de genre. D'accord. De Bérény, de Chauvin, etc. Et ce livre, il était vraiment très bien fait parce que c'est... ça parle justement du genre, ça analyse la question du genre sous sous différents plans, quoi. Et ça aborde la question du travail, de l'éducation, de la relation à la sexualité, au genre, à l'identité, etc. Ça aborde vraiment la question de genre sous différents plans. Et c'est un bouquin qui est récent ou qui a... Oui, il est sorti, je crois, en 2011, quelque d'accord, chose comme ouais, ça. Ouais, donc c'est quelque chose... D'accord. Donc il est vraiment bien et je l'ai régulièrement utilisé justement pour ce travail. Et t'arrivais à faire des passerelles entre ouais, ça et, ouais, et Buffy. J'avais justement, il y avait un passage qui parlait du viol dans ce livre. Et il y avait une analyse justement du viol qui était vraiment très intéressante. Donc je pense que ça peut être utile. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça aborde la question du genre, que ce soit du début jusqu'à la fin, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Ouais. Donc le rapport à l'éducation, les jouets, les produits culturels. L'éducation, pourquoi est-ce qu'il y a plus de filles en L et de garçons en S. Donc voilà, ce livre, il est vraiment bien et c'est écrit de manière à ce que ce soit lisible par tout le monde, en fait. Donc, cool voilà. Merci. Eh ben, merci beaucoup, c'est un très bon... Une bonne recommandation. T'avais dit 3 questions au début de la rubrique invité, on n'a pas fait la 3e question. C'est Angel ou Spike? Alors la question c'était, que fais-tu en dehors de regarder Buffy? Je suis bénévole pour une association. Ah bah oui, bah faut parler. Et c'est un moyen justement de faire une passerelle avec cet épisode. Bien joué, Riley. C'est une association qui s'appelle l'ESA, ESA, et qui aide les, enfin qui donne des cours particuliers pour des enfants en difficulté scolaire. Donc c'est on donne des cours particuliers, mais c'est surtout une question d'organisation. Donc, on leur apprend un petit peu à être indépendant, etc., à être autonome, à développer leur méthodologie. Voilà, c'est ça. D'accord. Et sinon, après, j'écris aussi de temps en temps pour un web magazine qui s'appelle le Castor Magazine, qui est une référence aussi à Simone de Beauvoir. Je crois que c'était au Castor Junior. Non. et du coup, c'est un web magazine qui est participatif, féministe, et qui aborde les questions de culture. D'accord. Et qui donc permet de réhabiliter certaines figures féminines, qui aborde les questions justement de la violence contre les femmes, etc. Et puis voilà. Ben, c'est déjà pas mal, on ira voir tout ça, mais oui, ça a l'air très très intéressant. Et alors, l'asso pour les enfants, c'est des enfants de quel âge Du CP jusqu'en terminale. Ah oui, voilà. Voilà, donc c'est pour tout le monde et voilà. Et vous êtes donc des étudiants, des profs Non, il y a de tout en fait, on est des bénévoles en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. C'est des bénévoles, donc quand t'es motivé, tu te présentes et puis voilà quoi, t'es... D'accord. Super, voilà. Si c'est et c'est pas mal parce que du coup... Ils trouvent ça sur internet. Oui. Ouais, puis on mettrait les liens. Je vous filerai les liens sans souci. On mettra carrément les liens dans l'article du... Et du coup, c'est pas mal parce que ça vient en aide à des gamins qui sont en difficulté scolaire. Et forcément, le lycée, le collège, c'est pas forcément des périodes faciles. Ah, donc ouais, forcément, quand t'as des problèmes, quand t'as des problèmes avec tes camarades, forcément, ça peut avoir un impact sur les notes et tout. Donc nous, on est aussi là pour les aider un petit peu à reprendre confiance en eux, etc. Est-ce que on aurait terminé cette séquence sur l'invité, messieurs, dames? À moins que l'invité elle-même ait quelque chose à rajouter, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez rien à rajouter? Bah non. Non. Moi, c'était très cool. Carrément, très super intéressant. Ouais. Alors tout de suite, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Why can't you just masturbate like the rest of us? Moi, je vais vous parler d'une web série. Donc on voit dans l'épisode qu'on a commenté aujourd'hui, les Sons, on voit le principal Wood proposer du travail, un travail de conseillère à Buffy. Et j'ai donc choisi de vous parler d'une web-série orientée premier boulot, un premier job un petit peu. C'est donc jeune diplômé, alors on va passer la bande-annonce en direct. Ça nous raconte l'histoire de Alice. Alice, elle a la vingtaine, elle est interprétée par Tiffen Haas. Tiffen Haas, vous la connaissez si vous avez déjà vu la série Fais pas ci, fais pas ça sur France 2. Mm-hmm. Donc ça fait plusieurs années que ça existe maintenant, c'est une série assez connue. Elle joue Soline Lepic, la plus grande des filles de Fabienne et Renaud. Voilà. Pas reconnu. Moi j'adore Fais pas ci, fais ça. Ouais, bref, cool. La web série a été créée par Shannon Renaudot et montre l'entrée dans le monde professionnel d'Alice sur la forme d'épisodes. Alors c'est feuilletonnant, mais c'est des épisodes quand même thématiques, très thématiques. Des épisodes de 2-3 minutes chacun. Par exemple, la recherche de l'emploi, l'entretien, comment on prépare un entretien, comment on fait son CV sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc c'est très drôle, déjà c'est cool. Bah ouais. C'est bien fait, c'est très très bien joué. Moi je suis complètement fan de Tiffen Haas depuis toujours, et là c'est cool de l'avoir dans un premier rôle. Et en plus, c'est une web-série qui a l'énorme avantage d'avoir presque une portée pédagogique, presque, qui va très clairement expliquer aux jeunes comment on fait, comment on se lance dans ce monde très bizarre qui est le monde du travail, auquel on n'est pas prêt hein, quand on sort des études. Hein, c'est quand même deux mondes foncièrement différents. Et donc on est tous passés par là, hein, c'est les mêmes galères qu'on a tous vécues, et elle nous donne des conseils, cette Alice, pour dédramatiser un peu cette époque étrange hein, qu'est l'époque des premiers boulots. C'est comme si, ouais, donc c'est ça, c'est pédagogique et très drôle, c'est une comédie. En plus, ça va plaire à Riley parce qu'il y a énormément de références à Koh-Lanta en saison 2. Ah bon? Par exemple. Ah oui? Parce que oui, la première saison a été faite, alors je sais pas, peut-être de manière indé, enfin je sais pas comment. Mais depuis la deuxième saison, ça se retrouve sur le site de TF1, TF1 Extra. TF1 et alors la subdivision qui est Extra. qui concerne donc. En fait, les... oui, TF1, ils ont racheté plein de web-séries. Et voilà, c'est ce que fait TF1 depuis quelques années. Plutôt que de produire même des choses, ils attendent qu'une web-série fonctionne ou ait l'air sympa, et ils la rachètent, ils la mettent sur leur plateforme. Ils achètent les droits de diffusion, ils la rachètent. Qui est dédié à ça. Donc je le répète, et pour l'instant, donc il y a 20 épisodes. Ça se regarde très très rapidement parce qu'ils font 2-3 minutes chacun. Et c'est drôle, c'est sympa, c'est frais, j'ai envie de dire, c'est frais, je dis jamais ça. Oula, mais... Attends, bah non, tu dis jamais ça. Ben oui, mais là, j'ai envie de le dire, là, c'est frais, c'est quelque chose de frais. Ah, d'accord, ok, bon, on va voir alors. J'ai beaucoup aimé cette petite web série. De plus en plus de séries françaises qui sont bien quand même. Donc je rappelle, de plus en plus Shannon Renaudot, donc la créatrice de cette série, et Tiffany Haas, l'interprète de Alice. Riley, t'avais un système Buffy toi aussi? Ah oui, alors on va aussi parler de création. On va parler d'un petit court-métrage, un court-métrage qui est produit par la société Big Bad Film, qui s'appelle Chosen. Et donc comme là on voit les images qui passent en même temps, c'est un fan film Buffy en fait. Carrément. Carrément. Bah il était temps hein, qu'il y en ait un quand même. Je sais pas s'il y en a eu d'autres. Je sais pas qu'il nous dit sur le chat, éventuellement dans les commentaires. Hop là, ah d'ailleurs c'est fini. D'accord. Un petit teaser. Encore. Teaser. Oui, donc j'ai pas trouvé le nom du réalisateur. Il est écrit nulle part. Ça c'est quand même fou. Quoi. Merde, il n'y a pas de générique et tout. Mais j'ai cherché. Hein. J'ai pas trouvé le nom du réalisateur. Et c'est Big Bad Film, donc créé spécialement pour ce projet. Donc c'est des Américains, je crois. Hein. Tout à fait. Et donc c'est un film qui prend place dans l'univers de Buffy, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui donc tueuse, hein, qui affronte un prêtre vampire, comme on voit. Et en parallèle, il y a une histoire de une autre fille qui rentre chez elle, qui découvre sa maison saccagée avec des traces de sang et tout. On comprend pas trop pourquoi. Donc c'est un montage parallèle. Et en fait, c'est un film qui parle de ce qu'on disait aujourd'hui dans le podcast, de la transmission, du passage de relais. C'est complètement en mode passation. Ouais. Donc c'est en fait. Ils le disent dans les premières saisons de Buffy, la voix off de Giles, à chaque génération il y a une élue. Et là c'est l'illustration de ce moment où il y a une nouvelle élue qui est choisie. En fait, ce court-métrage c'est une sorte de pilote pour une web série qu'ils aimeraient faire financer. Ah, bon, ah carrément. Et oui, parce que j'ai mené l'enquête, figurez-vous les gars. Il a enquêté. J'ai pas trouvé le nom du réalisateur, mais j'ai trouvé cette info. Et en fait, ils vont donc faire une campagne de financement sur Kickstarter pour lancer la série. C'est une web série sur Buffy. En fait, là, c'est un court métrage, mais ils veulent lancer une web série, voire une vraie série. J'imagine s'ils ont des producteurs sur Buffy. Donc, je sais pas s'ils ont les droits, si Joss est d'accord et tout ça. Mais enfin, c'est pas le meilleur court métrage du monde, mais un fan film Buffy quand même. Il y en a pas beaucoup. Il fallait. Mais un fan film, c'est casse-gueule à la base, hein, comme exercice. Franchement, moi, quand on mate pas mal. Moi, je sais qu'il y avait eu un Kickstarter il y a quelques années hein, sur pour faire un cours sur Frey. Vous savez, Frey, la tueuse du futur. Ouais. Et je sais pas où ça en est. Alors, si des gens qui nous écoutent savent où en est ce projet, j'ai jamais rien vu depuis, je veux bien savoir. Je sais pas où ça vous en est. Pas du tout. Alors, on a aucune idée. Et donc, ouais, Chosen, 5 minutes, ouais, ils peuvent aller le voir. Nos bien sûr, ah non, mais il faut qu'ils le voient carrément. C'est ouais, sur YouTube, ouais, allez, allez, si ça, t'es fan de Buffy, tu vas aimer ça. Allez voir ça. Puis il y a quasiment pas de dialogue, hein, même si vous comprenez rien à l'anglais comme Sarkman. Il y a de la baston. C'est pas grave, il y a de la baston. Il y a de la baston qui a. Il y a des bonnes scènes, quand même. Qui a un minimum de gueule. Allez même, voir quoi. Ça et vous nous direz ce que vous en pensez. Il y a d'autres systèmes Buffy. Vous avez pas de système Buffy, tu vas aimer ça, vous me le confirmez. Moi, j'en ai pas trouvé. Donc, on va passer à la rubrique système Buffy. C'est pas sûr que tu vas aimer ça parce que ça n'a rien à voir. Mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Hey Scotty, you find anything? Scotty! Scotty! You bastards! Why are you torturing me like this? That is the stupidest thing I ever heard of. Donc Clément, toi t'es le spécialiste des choses qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir avec Buffy. Merci. De quoi veux-tu nous parler cette semaine? Non mais cette semaine ça sera juste une recommandation en fait. J'ai pas écrit un truc, il n'y a pas de capture, il n'y a pas de vidéo non, pour illustrer le truc. J'ai rien préparé d'ailleurs. Voilà, non, c'est juste vraiment très très très vite fait. J'ai jeté un coup d'œil sur les quelques bandes annonces qu'on a de Resident Evil 7 pour les fans de la série. Du jeu vidéo tu parles. Tel que moi, oui, du jeu vidéo. Et j'étais absolument bluffé par cette nouvelle direction qu'a pris la franchise, parce que là on est en caméra subjective, c'est de la VR. Riley, on te parle apparemment, on te fait signe là-bas. Coucou. C'est de la réalité les virtuelle. Les gens ont soif apparemment. Voilà, donc Resident Evil se lance à fond là-dedans. Et pour le coup, moi je regardais la vérité virtuelle avec un espèce de... La vérité virtuelle? La vérité virtuelle. J'ai dit la vérité virtuelle? Ouais. Ouais, c'est un gros lapsus révélateur. La vérité réelle. Je suis un petit peu fatigué maintenant, c'est vrai, être honnête. Bref, et du coup, je regardais ça un peu, voilà, avec un air un peu douteux. Et j'étais complètement convaincu, en fait. Je me dis qu'il y a un vrai, vrai potentiel et que le jeu vidéo de demain, il est là. Et le jeu vidéo et même le cinéma qui, un jour ou l'autre, vont peut-être fusionner via ce média, justement. Enfin, c'est, je trouve ça fascinant. Et ça y est, moi, je trouve ça triste. Je suis convaincu, mais tu sais pas encore ce que ça va donner. Est-ce que t'es un vieux con? Peut-être je suis un vieux con. C'est évidemment pour ça. Et voilà, ça a réveillé mon je suis vraiment fatigué. Mon intérêt pour ce média. Donc, je suis très curieux de voir ça. Et surtout, bah, pour l'ambiance glauquissime de cette vidéo. Je suis tout seul, personne n'a vu des images de Resident Evil. Absolument rien vu. Non, madame. D'accord, bah, si vous aimez Massacre à la tronçonneuse et Silent Hill, vous pouvez rigoler. Ah, c'est ça. Non, mais ouais, c'est un espèce de mélange. Ouais. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je trouve que c'est une prise de risque, parce que j'en parlais avec mon coloc qui est lui aussi fan de Resident Evil. Et il était très déçu. Bah non, moi je veux aller dans la ville, je veux buter du zombie. Non, là t'es dans une maison, une espèce de manoir, enfin non, une grande bâtisse. Back to basic. Hein. Back to basic. Là aussi, les zombies. Voilà, mais c'est pas vraiment des zombies. Là, enfin, je vous laisse découvrir, je vous laisserai découvrir non plus, et surtout t'es en réalité virtuelle, et je pense que ça quadruple la sensation d'oppression et de claustrophobie. Resident Evil 7, non, tout simplement. Et donc, ça sortira sur la PlayStation VR. Donc ça... Bah, ouais, enfin, oui, sur la 4, je crois même. C'est la 4. Hein, ouais, Il faut avoir le truc. Voilà. Et en termes d'immersion et je sais pas, d'impact émotionnel vis-à-vis de l'image, je sais pas, ça se pose là. Et comme c'est le futur, je voulais vous en parler ce soir. Non, on va faire dans d'autres frogs, c'est sûr. Ça sort quand, Clément? Aucune idée. Encore une fois, c'était une roco. J'ai pas tellement bossé le truc. J'ai même pas d'image à vous proposer ce soir. Mais les gens iront voir, j'en suis sûr. De toute façon, ça viendra à eux, c'est sûr et certain. Vous n'y échapperez pas. Voilà. Et le deuxième truc, c'était. Ah oui, t'avais deux trucs. J'avais deux trucs. Oui, il a bossé. Je suis à fond. Ouais, j'ai tellement bossé que. Il est où mon post-it sur lequel j'ai écrit. Ah, t'as vraiment fait un post-it, c'est une blague. Ouais, ouais. Non, mais c'était. C'est pas bien, Rogue One, hein, pour que tu notes des trucs dans la séance. C'était pas la peine. Non, ça s'appelle Histoire Fantastique, donc Amazing Story. Pour les plus vieux, peut-être vous devez connaître, parce que c'était une série produite par Amblin dans les années 80. Donc sous l'égide de Steven Spielberg, c'était des histoires courtes, c'était trois histoires par épisode, un peu à la Conte de la Crypte en fait. D'ailleurs, c'était un poil avant, je crois que c'est sorti un peu dans la même époque, quoi, mais là vachement plus familial parce qu'on est dans une production Amblin, donc on sent la touche Spielberg derrière, on sent l'époque Goonies, Gremlins qui est pas loin. Et il y a pas mal de guest directors qui sont venus, dont Robert Zemeckis et Clint Eastwood, rien que ça. D'ailleurs, l'épisode de Clint Eastwood est très décevant d'ailleurs. Ouais, c'est dommage. Spielberg en fait un aussi. Spielberg en a fait un qui est vachement bien. Joe Dante, oui, il en a fait un. Je n'ai pas encore eu le temps de tout regarder. George Lucas? Non, Lucas, il faisait le retour du Jedi. George Lucas, je crois. Oui, il réglait son divorce. Riley, t'avais quelque chose à dire dont tu voulais nous parler aussi. Oui, peut-être. Moi, je voulais vous parler d'un livre. Oula, donc tu as lu avec des mots. J'ai amené, qui s'appelle Faire un film. Très bien. Écrit par Sidney Lumet, voilà, et on a un visuel. Ah bah, rien que ça. Qui est sorti aux éditions Capricci. Sidney Lumet, le cinéaste, donc. Alors voilà, Sidney Lumet, c'est un réalisateur aujourd'hui décédé, mais il a fait quand même plus d'une cinquantaine de longs métrages depuis les années 50. Donc Le Crime de l'Orient Express, 12 hommes en colère, The Network, The Offense, Une après-midi de chien, donc des films assez connus. Et donc en fait, ce bouquin, ça parle de sa méthode de travail, c'est-à-dire comment lui réalise un film, étape par étape. C'est passionnant en fait, c'est un truc de fou. Ça part du choix du scénario, du casting, du tournage, du montage. Il explique que c'est même psychologique. Il parle comment faut parler aux comédiens, si c'est Al Pacino comment tu lui parles, si c'est Sean Connery comment tu lui parles. Ouais, il a beaucoup tourné avec Al Pacino. Ouais, enfin il a tourné avec plein de stars de lui. Justement, il y a un chapitre où il parle de comment tu t'adresses à une star d'Hollywood. Mais il y a un chapitre là-dessus. Ouais, c'est sur les lectures en fait. Et pareil, comment il juge ses techniciens, enfin il juge entre guillemets ses techniciens, s'il voit que son assistant réel il se met à crier ou s'il vient parler à l'oreille des gens. Enfin, il y a vachement de psychologie sur ce qui se passe sur un tournage de film, quoi. Vas-y, tu chies à l'action. Ouais, non, mais il peut être comme ça en fonction des moments. Enfin, il adapte sa méthode à la personne qui est en face de lui, en fait. Exactement. Exactement. Et en fonction aussi du budget qu'il a, enfin il arrive à enfin il prend un exemple aussi qu'il a réussi à faire baisser son salaire à Sean Connery parce qu'il trouve les mots pour parler aux gens, tu vois. Et à côté de ça, il te parle comment tu gères une scène où t'as une centaine de figurants, une scène d'action où t'as 100 figurants et comment tu leur parles, comment tu organises un tournage comme ça. Avec diplomatie, je pense. T'as 14 assistants et à l'inverse il te dit comment tu filmes 12 hommes dans une pièce fermée pendant une heure et demie pour que ce soit varié C'est peut-être intéressant, plus dur, en fait. Ouais, c'est il parle plein d'anecdotes. Enfin, c'est le bouquin est génial. Ça, j'ai dit 4 fois déjà. Il parle d'un point de vue technique et aussi purement artistique. Et d'ailleurs, je vais vous lire une phrase qui résume bien. C'est la première phrase du livre, mais qui résume bien en fait l'esprit du mec. Un jour, j'ai demandé à Akira Kurosawa pourquoi il avait choisi de cadrer comme il avait fait un plan de son film Ran. Il m'a répondu que s'il avait déplacé la caméra de 2 cm vers la gauche, une usine Sony se serait retrouvée dans le champ. 2 cm vers la droite, et nous aurions vu l'aéroport. Voilà. Ni l'un ni l'autre n'avait leur place dans un film d'époque. Les contraintes techniques. Exactement. Donc en fait, c'est ce qu'il dit. Kurosawa a filmé ce plan comme ça, et c'est toi, après, spectateur, étudiant, fan. Qui analyse le plan alors que et non. Et qui te branle dessus apparemment. Parce que, sur l'interprétation. Oh, regarde la perspective qu'a choisi le gars. Et voilà, et même Sidney Lumet lui-même, qui a un super réalisateur, qui se pose la question aussi. Donc ça parle de tout ça et c'est absolument génial. Est-ce que c'est génial, Riley, ce. Faut couper, c'est génial. ce livre. Peut-être un seul défaut, mais bon. Il parle surtout, c'est un réalisateur de studio, donc il a surtout fait des films de studio, donc il a des tournages avec des gros budgets. Du coup, des fois, on peut se demander si c'est facile quand t'as de l'argent de faire ce que tu fais, quoi. Ça, c'est peut-être... J'ai déjà un élément de réponse, moi. Je pense que oui. Oui, non, mais voilà. c'est peut-être le seul reproche qu'on peut faire au bouquin, mais il a quand même fait des films où il y avait rien et non, il a dû s'adapter. Et que vous soyez réalisateur ou que vous avez envie de devenir réalisateur, c'est un bouquin indispensable. Est-ce qu'on a terminé avec cette rubrique? Si t'as Buffy, c'est pas sûr, tu as aimé ça. Vous avez d'autres choses à dire, des choses à ajouter? Parce que là, je vous cache pas qu'on est sur le point de conclure l'émission. Ah merde. Okay. Ouais. Et oui. On vous fait à tous des gros bisous. Oui, je lance le générique de fin. Est-ce que je lance le générique de fin? Allez. S'il je lance. Plaît, ouais. Donc, vous êtes prêts? Parce que c'est parti. Ça va marcher. Mais oui, ça marche. Génial. On vous embrasse tous très fort. On remercie énormément le chat. Merci le qui chat. Était là. Merci. On remercie notre invité Ariane. Merci Ariane. Merci de m'avoir invité. Merci pour les cadeaux. Les cadeaux. Les cadeaux. Le champagne. Champagne, champagne et chocolat. Putain. À boire, à manger. T'as été incroyable. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Et on revient en 2017 pour de nouvelles aventures. Tchuss.